Madame la ministre, monsieur le directeur de l'Agence française pour la biodiversité, monsieur le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, mes chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Sénat pour cet échange sur la biodiversité et l'engagement des collectivités territoriales pour la préservation de la biodiversité. Je remercie très chaleureusement et très sincèrement l'Agence française pour la biodiversité et ses équipes qui ont fait un travail formidable de soutien et d'appui pour la tenue de ce colloque. Merci à eux. Merci également aux nombreux intervenants qui ont accepté de témoigner, aux élus locaux venus des quatre coins de France. Il y a la France métropolitaine, rurale, urbaine, mais aussi la France d'outre-mer qui est représentée. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'ici, au Sénat, nous sommes particulièrement favorables à la différenciation territoriale qui permet de mieux prendre en compte les réalités locales, les aspirations des élus, les innovations qui peuvent se faire jour et qui permettent aux élus locaux de porter leur territoire. Merci également aux associations d'élus locaux, les régions, départements et blocs communaux qui se sont mobilisés aujourd'hui, en raison d'ailleurs de leur rôle majeur qu'ils ont à jouer pour fédérer les énergies en matière de biodiversité. Alors vous le savez, l'année 2020 sera une année importante pour la biodiversité et le positionnement de la France sur la scène internationale sera fort également avec le Congrès mondial pour la nature qui se tiendra à Marseille et puis également la COP15 pour la biodiversité. Il y a ces grands rendez-vous internationaux qui sont indispensables pour impulser des dynamiques globales, mais aussi pour repenser et réinventer un nouveau modèle de mondialisation, celle-ci qui fait parfois preuve de beaucoup d'absurdité. Car je pense qu'on doit refuser de vivre dans un monde où on pêche le poisson en Norvège, on le transforme en Chine et on le consomme en Europe. Alors aujourd'hui, 1 million d'espèces sont au bord de l'extinction. Et la biodiversité française est l'une des 10 plus menacées au monde. Pas seulement parce que la France dispose de vastes territoires d'outre-mer qui disposent d'une richesse en biodiversité inouïe. Il y a aussi des trésors de biodiversité dans le Marais Poitevin et dans le beau département de la Mayenne que j'ai l'honneur de représenter. Et cette diversité géographique et climatique qui a depuis des siècles façonné l'identité française avec la déclinaison de paysages, d'architecture et de patrimoine agricole, c'est ça qui fait notre pays. Mais aujourd'hui, la catastrophe écologique, le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité sont telles que nous devons réformer en profondeur la manière dont nous produisons, dont nous construisons, nous consommons et nous envisageons notre rapport à la nature et au réel. Il me semble que la seule écologie efficace reposera sur des actions très concrètes, progressives, financées et aussi par une acceptation de la population. Et j'insiste sur ce point, c'est d'autant plus vrai en matière de transition écologique. Il faut savoir être à l'écoute des Français et faire confiance aussi aux élus qui les représentent en leur donnant les moyens de mener des actions et de libérer des initiatives sur le terrain. Car vous pouvez compter sur les capacités des élus qui ont beaucoup d'imagination et d'inventivité. Je rappelle que plus de 70% de l'investissement public dans notre pays est porté par les collectivités territoriales. Et la transition énergétique, c'est de l'investissement dans nos territoires. Donc l'écologie, moi je souhaite qu'elle soit pragmatique et de terrain. Les collectivités, vous le savez, sont au cœur de l'aménagement du territoire. Ils agissent depuis longtemps en ce sens, par du développement de mobilité propre, par des projets biomasse, par de la rénovation énergétique du parc social, par le développement aussi de biocarburants. Tout ça, c'est déjà un certain nombre d'engagements de collectivités qui sont des réalités aujourd'hui. Et les élus locaux sont les premiers témoins de l'érosion de la biodiversité, du fait notamment des pressions auxquelles les collectivités sont confrontées. Et j'aimerais évoquer une pression en particulier, celle de l'artificialisation des sols, avec cet étalement urbain et des constructions diffuses qui détruisent des habitats naturels qui portent atteinte à certaines continuités écologiques. Selon une étude récente, si aucune mesure n'est prise pour freiner cette artificialisation, ce sont 280 000 hectares d'espaces naturels supplémentaires qui seraient artificialisés d'ici 2030, soit à peu près la superficie d'un petit État, mais du Luxembourg. Mais c'est quand même plus vaste que le jardin du Luxembourg, 280 000 hectares. Donc sur ces sujets, les élus locaux ont un vrai pouvoir d'action par les politiques d'urbanisme, notamment pour favoriser la densification et limiter la construction de logements neufs en incitant à la surélévation, à des rénovations. Et en matière de préservation de la biodiversité, les leviers sont nombreux, tout autant que les freins d'ailleurs. Et j'imagine que certains élus aujourd'hui en témoigneront. L'idée de cet après-midi de travail est que nous partagions les expériences, nous levions les résistances et passions ensemble à l'action. Le rôle du Sénat, en dehors du domaine législatif, est de mettre dans notre Assemblée en lumière les bonnes pratiques portées par les élus locaux. Sur la biodiversité, notre Assemblée est mobilisée, doit être pleinement mobilisée. C'est fondamental pour le Sénat de s'engager, car la préservation de la biodiversité est une préoccupation réelle et de plus en plus récurrente. Nous, les sénateurs, nous sommes interpellés régulièrement par les citoyens, par nos élus, dans nos territoires, sur cette thématique. Et la tenue de ce colloque aujourd'hui l'atteste. Je suis reconnaissant au président Gérard Larcher d'avoir accepté de parrainer cet événement. Malheureusement, il ne peut pas être présent parmi nous, mais dans quelques instants, nous visionnerons un message qu'il a souhaité nous adresser. Et j'aimerais enfin rappeler que ce colloque s'inscrit aussi dans la perspective des élections municipales. À 6 mois de cet enjeu électoral, très important pour les territoires de notre pays, il est important d'identifier justement des solutions très pratiques, immédiatement transposables, à mettre en œuvre dans le mandat à venir. La préservation de la biodiversité doit être au cœur, à mon avis, de la campagne de 2020. Tous les territoires, pour reprendre une formule, doivent s'engager pour la nature. Et grâce à l'Agence française pour la biodiversité, les actes du colloque pourront être ensuite adressés aux élus locaux afin qu'ils puissent s'en inspirer et intégrer les thématiques dans leurs projets local, parce que je pense que agir pour la biodiversité, c'est agir aussi face au dérèglement climatique. Et je souhaite enfin que sur cette thématique, il n'y ait pas d'idéologie, mais qu'on soit en matière d'écologie tout à fait pragmatique. Je crois profondément justement à une écologie pragmatique, rationnelle et responsable, qui fait confiance aux acteurs de terrain, qui connaissent des singularités en fonction des territoires, avec des élus qui savent observer la nature et qui souhaitent bien sûr la préserver, parce que cette nature, c'est un cadre de vie. Le cadre de vie est une notion très importante pour les concitoyens. Et dans ce débat, je pense qu'il est important d'écouter à la fois tous ces acteurs, que ce soit les associations environnementales, les agriculteurs, les chasseurs, les entreprises, les collectivités territoriales. Et nous, ici, au Sénat, on cherche à faire de la médiation pour que tous ces acteurs puissent travailler ensemble dans un dialogue sincère et constructif pour permettre cette préservation et cette reconquête de la biodiversité. Je vous propose maintenant d'écouter le message du président du Sénat. Ensuite, je passerai la parole à Madame la ministre. Bienvenue à tous et très bon colloque. Merci. Madame la ministre, monsieur le président de l'Agence française pour la biodiversité, chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir, c'est par écran interposé, pour ce colloque organisé par notre collègue Guillaume Chevrollier. Le vétérinaire que je suis aurait grand plaisir à passer des heures à échanger avec vous de la loutre d'Europe, de la fauvette à tête noire, du bouquetin des Alpes, de la chouette chevêche, mais aussi une de mes passions, de la perdrix grise comme baromètre de l'écosystème agricole. Mais ce n'est pas l'objet de ce colloque. Le Sénat vous accueille aujourd'hui pour parler d'un acteur majeur dans la protection de la biodiversité, les collectivités territoriales. Quand on pense biodiversité, on pense souvent à des actions monumentales, internationales. On pense à la Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Et pourtant, la biodiversité est dans notre quotidien. Et pourtant, la biodiversité est d'abord une problématique locale. Alors, je voudrais remercier Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, d'avoir souhaité, par la tenue de ce colloque, mettre en lumière l'action essentielle des territoires au service de la biodiversité, qu'elle soit exceptionnelle comme ordinaire. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, c'est la Constitution qui lui donne cette responsabilité-là, endosse une responsabilité, elle aussi particulière, pour inciter les collectivités à s'investir dans la protection de notre biodiversité. Le Sénat doit aussi servir de caisse de résonance des multiples initiatives locales pour faire essaimer dans les territoires. Le Sénat se doit d'envoyer un message aux collectivités. Nos territoires abritent une biodiversité exceptionnelle. La protéger est à la fois nécessité et opportunité. Les scientifiques s'accordent à dire que la vitesse de l'érosion actuelle de la biodiversité peut alarmer. Mais je ne suis pas certain que nous traversons la sixième grande crise d'extinction, quoi qu'en pensent les alarmistes. Et je crois que rien n'est irréversible. Il faut agir. Agir maintenant. Agir pour la biodiversité, ce n'est ni empêcher ni mettre sous cloche. Comme le rappelle notre collègue de la Somme, Jérôme Bignon, dans son rapport sur la biodiversité, la mise en valeur de la biodiversité ne doit plus être considérée comme une contrainte statique, mais plutôt comme une opportunité dynamique. Je me permets d'emprunter à une encyclique du pape François pour dire: il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Je crois que bien des collectivités ont déjà adopté cette approche. Je vais me tourner un instant vers les Outre-mer pour puiser des illustrations, car ils sont à la fois les plus affectés par le changement climatique, mais aussi souvent parmi les plus innovants dans la recherche de nouveaux modes de protection et d'exploitation de leur formidable biodiversité. Je pense aux mesures compensatoires mises en œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement du grand port maritime de Guadeloupe, que ce soit la transplantation d'herbiers, de coraux, la replantation de mangroves. Sur les grilles du Luxembourg, vous pouvez découvrir d'autres illustrations de ce formidable laboratoire de protection de la biodiversité que sont nos Outre-mer. Ce sera bientôt lors d'une exposition au second semestre de l'année 2020. Le Sénat doit aussi se faire caisse de résonance des initiatives locales pour les faire essaimer dans les territoires. Aucune politique n'est neutre en matière de biodiversité. L'urbanisme, l'agriculture, le tourisme, la gestion de l'eau, les transports publics, la gestion des déchets. Et il n'est pas anodin que la moitié des actions en faveur de la biodiversité et des paysages en France soient financées par les collectivités territoriales, régions, départements, blocs communaux. Alors, au-delà des nombreux outils réglementaires, les collectivités savent faire fleurir sur leur territoire des actions de protection de l'environnement. Je crois qu'il faut que les collectivités puissent s'appuyer encore davantage sur les citoyens, et pas seulement sur les militants associatifs. C'est l'ensemble des citoyens qui est concerné. C'est une affaire collective. Et je reprends une formule du président de l'Association des maires d'une mort: l'écologie qui vient d'en haut, punitive, trop souvent divise. Nous l'avons vécu à la fin de l'année 2018. L'écologie qui part du terrain, l'écologie locale, rassemble. Il y a aussi un travail de titanesque d'identification des espèces. Je crois que les réseaux citoyens qui observent, identifient, font progresser notre connaissance, sont très utiles. Alors, j'espère que cette journée d'échange sera fructueuse, qu'elle nous permette de voir fleurir dans nos territoires une protection dynamique de la biodiversité, qu'elle soit partagée par les élus locaux, par les citoyens, et que ne soit pas simplement venue d'en haut parce que nous avons besoin qu'elle soit réellement, à partir du territoire, une réalité que nous avons en partage. Je remercie Madame la Ministre pour sa présence et je l'invite à venir s'exprimer. Monsieur le sénateur, cher Guillaume Chevrollier, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur général de l'Agence française de la biodiversité, cher Christophe Aubel, mesdames, messieurs, et je reconnais un certain nombre de visages connus et amis dans cette salle. Je vous remercie de cette invitation pour participer et ouvrir ce colloque sur biodiversité et territoire, biodiversité et collectivité territoriale, sachant que tout a été très bien dit dans votre introduction et dans celle du président Larcher. En gros, nous savons à quel point la biodiversité est devenue un enjeu aussi important que la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, d'accueillir les scientifiques de l'IPBES en France il y a environ 6 mois. L'IPBES, c'est comme vous le savez, le collectif des scientifiques qui se plonge sur les sujets d'évaluation de la perte de biodiversité, et leur rapport était assez inquiétant. Et c'était important d'avoir un échange avec eux, et le président de la République les a reçus à cette occasion. Vous connaissez les chiffres, on en a beaucoup, mais dans les chiffres particulièrement marquants, une espèce disparaît toutes les 20 minutes sur la planète. Ou si on prend les oiseaux en France, le nombre d'oiseaux communs a chuté d'un tiers en 15 ans. En gros, l'IPBES nous dit que le taux d'extinction des espèces est sans précédent au niveau mondial, qu'il s'accélère, et que les 3/4 de l'environnement terrestre et les 2/3 de l'environnement marin ont été significativement modifiés par l'espèce humaine. Mais il y a quand même un certain nombre de raisons d'espérer. Et la première, et j'ai eu cette discussion avec le président de l'IPBES, Sir Robert Watson, c'est que les actions pour la biodiversité permettent d'avoir des résultats relativement rapides. Autant les actions pour la lutte contre le changement climatique, un, sont complètement mondialisées, puisque les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, et deuxièmement, mettent beaucoup de temps à agir, autant les actions pour la biodiversité, lorsqu'elles sont ciblées et efficaces, permettent de voir revenir à des endroits particuliers de la biodiversité à une échelle relativement courte, alors longue du point de vue des individus, on parle de quelques années, mais relativement courte, à l'échelle de l'évolution des populations. Il est donc possible d'agir, même si la situation est sérieuse, et cette action va prendre beaucoup de formes. Je voudrais prendre quelques exemples de sujets sur lesquels nous travaillons et vous dire à chaque fois à quel point le « nous » inclut les collectivités territoriales, parce que par définition, ça a été dit, que ce soit en métropole ou en outre-mer, on ne fera pas reculer la perte de biodiversité, on ne réintroduira pas des espèces, on n'aidera pas des espèces à se développer, on ne développera pas les habitats naturels si on ne le fait pas dans un partenariat entre tous les acteurs, l'État qui a un rôle d'impulsion, les collectivités locales qui ont un rôle majeur, mais aussi les associations et même les acteurs économiques qu'il faut qu'on aille chercher plus largement parce qu'ils ont une responsabilité et ils ont une capacité d'action. Le premier sujet concerne le développement des aires protégées. Suite à cette rencontre du président de la République avec les scientifiques de l'IPBES, le président a annoncé une ambition pour la France qui est de protéger 30% du territoire national, dont un tiers sous protection forte, que ce soit en métropole ou en outre-mer. C'est ambitieux, on n'est pas très loin des 30% en protection classique, notamment grâce à la protection du domaine maritime. On est plus loin des 10% en protection forte. Ça nécessite de se reposer des questions de stratégie fondamentales. C'est un travail que nous avons engagé avec la conférence des aires protégées, dans laquelle on trouve les associations de collectivités territoriales, qui sont des acteurs à part entière, pour voir quelle est l'ambition qu'on se donne pour la prochaine décennie, à la fois en termes de cartographie, sachant que nous allons bientôt créer le 11e parc national, celui des forêts à la frontière de la Champagne et de la Bourgogne, que nous avons une 20aine de réserves naturelles prévues pour création ou extension d'ici à la fin de l'année 2021, mais que nous devons maintenant nous doter d'une nouvelle feuille de route. Donc les travaux ont démarré. Pour la partie marine, le 4e colloque national des aires marines protégées aura lieu à Biarritz du 22 au 24 octobre. Nous y ajouterons un colloque sur les aires protégées terrestres le 25 octobre à Paris. avec l'idée de travailler tous ensemble à dessiner les contours de cette nouvelle stratégie, de la partager quelque part en mars ou avril 2020, et de pouvoir finir de l'élaborer courant 2020. Le deuxième sujet sur lequel nous devons travailler est la capacité à être plus efficace sur les territoires par une meilleure potentialisation des actions entre l'État, l'AFB, l'ONCFS et les collectivités territoriales. Alors, je cite l'AFB, et je remercie son directeur pour le soutien à ce colloque, et l'ONCFS, mais j'ai eu l'honneur de porter devant cette assemblée, avec monsieur le sénateur Cardou notamment, la création de l'Office français de la biodiversité, qui va prendre le relais de ces deux établissements au 1er janvier prochain, et qui a vocation à la fois à contribuer à la définition de la stratégie en matière de biodiversité, à créer cette grande police rurale dont nous avons besoin, ne serait-ce que pour protéger mieux nos espaces et faire respecter nos lois, et puis aussi à aller un cran plus loin dans les partenariats avec les collectivités locales, et je pense en particulier aux régions. Nous avons déjà des agences régionales de la biodiversité. Les régions s'engagent progressivement. Nous allons continuer ce mouvement. Donc, la création de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, est très complémentaire de ces agences régionales. Là encore, en métropole comme en outre-mer, que ce soit des structures formelles avec des équipes et un partenariat ou simplement une vision partagée plus légère mais qui permet d'avoir une stratégie commune, parce qu'il n'est pas souhaitable et pas possible d'avoir d'un côté une vision nationale avec l'État et son grand opérateur de référence et de l'autre des visions territoriales non articulées. Les ARB sont l'occasion d'articuler les visions à l'échelle régionale et d'embarquer tous les acteurs à l'échelle infrarégionale. Je pense que ce sera extrêmement utile dans la capacité à agir au quotidien pour la biodiversité. Je voudrais dire un mot sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Monsieur le sénateur, vous l'avez cité. Parmi les causes que l'IPBES identifie sur la perte de biodiversité, on a l'exploitation agricole et notamment l'utilisation de pesticides, l'artificialisation des sols, la surexploitation des terrains et les espèces exotiques envahissantes. L'artificialisation des sols est donc une cause majeure. Nous avons commencé des travaux à la fois pour savoir comment mieux utiliser les friches. Parce que plus on utilise des friches industrielles ou des friches urbaines, moins on a besoin d'aller artificialiser. Et plus globalement, pour savoir comment se doter d'un objectif de réduction ou d'arrêt total de l'artificialisation nette, et aussi les moyens pour y parvenir. Ça sera à l'agenda du gouvernement dans les mois qui viennent, avec un groupe de travail interministériel qui a été mis en place juste au milieu de l'été et qui rendra ses conclusions d'ici à la fin de l'année, dans lequel on retrouve de nouveau des associations de collectivités locales. Nous devons trouver les moyens d'avancer sur la piste du zéro artificialisation nette. Nous artificialisons aujourd'hui l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Nous devons faire mieux. Ceci interroge totalement notre mode de vie. Ça interroge notre mode de vie en matière de logement, puisque la première cause de l'artificialisation, c'est l'étalement urbain et notamment les lotissements pour logement. Et dans une moindre mesure, la protection de nos terres agricoles et tout ce qui est aménagement économique et aménagement commercial. Enfin, la transition agricole est un sujet indispensable pour traiter des questions de biodiversité. La transition agricole emporte la question de l'eau. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets lors des 6 derniers mois. Je salue le président Flageolet qui est là. Dans les assises de l'eau, quand nous avons travaillé sur le grand cycle de l'eau, nous avons aussi cherché à trouver comment est-ce que l'eau pouvait être au service de la biodiversité, comment est-ce qu'on n'avait pas une approche seulement utilitariste des différents usages de l'eau et on n'oubliait pas les besoins de la nature en matière d'eau et les solutions fondées sur la nature. Nous avons maintenant une feuille de route ambitieuse au service de la transition agricole. C'est l'idée de créer le plus vite possible les paiements pour services environnementaux avec les agences de l'eau les plus en avance sur ce sujet et globalement d'arriver à démontrer qu'on est capable d'avoir des usages raisonnés qui permettent de répondre à la fois aux besoins de l'agriculture et aux besoins de la biodiversité. Donc tout ça pour dire que les collectivités sont clés sur tous ces sujets, agriculture, artificialisation des sols, police rurale, stratégie territoriale coordonnée. Le dernier outil que je voudrais citer sont les contrats de transition écologique. Mon ministère en porte 80 avec différents territoires, là encore, en métropole et en outre-mer. Ce sont des occasions de définir des projets communs avec les collectivités, en général des EPCI, au service de l'écologie, que ce soit la transition agricole, énergétique ou la protection d'espaces naturels. Je pense par exemple au contrat de transition écologique de Corrèze, que j'ai eu le plaisir de signer, dans lequel il y a une action intéressante qui est le retour à la nature d'une crayère, qui, d'une zone de carrière abandonnée, mène à une zone avec restauration d'un espace, d'un lac, et restauration d'une zone humide au bord du lac avec la nature et la biodiversité qui va avec. Je pense très intéressant que le Sénat s'empare du rôle que vous avez mentionné de caisse de résonance, de capacité à essaimer des bonnes pratiques. Je regrette de ne pas pouvoir rester cet après-midi pour écouter les différents exemples qui vont être présentés, mais on suivra ça de très près. Toute notre capacité collective aux uns et aux autres à faire connaître les solutions qui existent, à les diffuser, à les porter dans ce réseau d'acteurs nous permettra, je l'espère, d'être capable de relever le défi de la biodiversité en France et en le relevant en France, de le porter à l'international avec nos deux grandes échéances, le congrès de l'UICN à Marseille en 2020 et la COP15 en Chine à la fin de l'année prochaine. Je vous remercie. Christophe Aubel, directeur général de l'Agence française pour la biodiversité. Madame la ministre, monsieur le sénateur Guillaume Chevrollier, à l'initiative de cet après-midi, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Ouvrir ce colloque 3 ans à peine après la mise en place de l'Agence, en ces lieux, au Sénat, la maison des collectivités, est pour l'Agence, pour ses partenaires, pour tous ceux qui s'engagent une reconnaissance, à divers titres. Reconnaissance d'abord du lien intangible entre l'état de notre biodiversité et la dynamique, la vie des territoires. Les paroles fortes du président Larcher ont été sur ce point très claires. L'échelon local, sans effacer les enjeux d'agir à d'autres niveaux, est une cible stratégique et totalement naturelle. La ministre a également rappelé ses échanges là-dessus avec le président Libès. Reconnaissance aussi, dès lors, du rôle des collectivités, des communes et des communautés, qui incarnent le niveau de la concrétisation, j'y reviendrai. Mais également des départements et des régions qui, de concert, selon leurs responsabilités respectives, peuvent impulser, organiser et outiller chacun. En effet, cette double dimension de l'ingénierie et de la solidarité territoriale, qui furent si utiles pour les grandes politiques de l'aménagement de l'eau et de l'assainissement, sont encore très attendues pour appuyer les acteurs locaux à résoudre les défis auxquels nous faisons face. Reconnaissance, bien sûr, du rôle essentiel des élus dans cette dynamique à qui il revient d'opérer à leur échelle les transformations nécessaires et reconnaissance des services de ces collectivités qui les accompagnent dans les défis du quotidien. Quand le sénateur Guillaume Chevrollier, à l'origine de cette manifestation, s'est tourné vers l'Agence pour nous proposer de l'accompagner dans son organisation, nous n'avons pas hésité un instant. Il est évident que nous nous devions de répondre présent. Comme cela a été rappelé, c'est d'abord à votre attention, mesdames et messieurs les élus, que ce programme a été conçu. L'idée est de vous donner envie, de montrer que des solutions éprouvées existent et sont à la portée de toutes les collectivités. L'enjeu est évidemment de démultiplier ces actions positives. À 6 mois des élections municipales, au moment où l'opinion publique fait savoir ses attentes, cette initiative du Sénat est on ne peut plus à propos. Vous le verrez à travers les témoignages, la prise en charge des enjeux de biodiversité pour une collectivité dépasse les périmètres où elle était autrefois cantonnée, celle des espaces verts ou des espèces emblématiques. Biodiversité rime avec mobilisation citoyenne et participation. Les atlas de la biodiversité communale en sont une parfaite illustration. Nous aurions pu aussi mettre en avant les aires éducatives, un dispositif que l'Agence est très fière de porter avec un réel succès et dans le cadre d'un partenariat qui associe le ministère de la Transition écologique, l'éducation nationale, celui des Outre-mer et les rectorats. Biodiversité rime avec alimentation de qualité, réappropriation des sols vivants au bénéfice de productions que de plus en plus de collectivités cherchent à relocaliser. Biodiversité rime avec planification, car on ne peut plus continuer à perdre l'équivalent d'un département par artificialisation tous les 7 ans. La ministre vient de rappeler l'importance du sujet pour le gouvernement. Biodiversité rime évidemment avec espaces protégés. Il reste pertinent de conserver ces espaces de pleine nature, évidemment, pour la biodiversité, oui, mais aussi parce qu'il nous faut préserver ces bulles d'inspiration pour notre bien-être, nos imaginaires, nos rêves. Là aussi, je ne reviendrai pas dessus, comme je l'avais prévu. La ministre vous a rappelé les engagements et la feuille de route fixée par le président de la République. Mais les aires protégées, il faut avoir en tête que ce sont aussi des espaces à vivre où les acteurs ont négocié la mise en place de règles communes permettant de concilier leur cadre de vie au caractère exceptionnel de la faune et de la flore qui les entoure. Nous parlerons tout à l'heure de Grande Outarde et d'agriculture. Nous suivrons avec intérêt le témoignage du sénateur Pierre Louault sur la conciliation des différents usages en Champagne-Tourangelle, une expérience qui a valu la remise d'un Grand Prix national Natura 2000. La remise sur l'ouvrage très prochainement d'une stratégie française des aires protégées est une opportunité à saisir, la ministre l'a indiqué. Biodiversité rime avec santé. Les propos introductifs de Luc Abadie tout à l'heure, qui avec ses pairs fait résonner les réflexions de notre conseil scientifique à l'AFB, le montrera sans doute. Le témoignage de Daniel Breuillet, de la métropole du Grand Paris aussi. Nos sociétés produisent de plus en plus de citadins. Cette tendance, conjuguée aux effets malheureusement attendus du changement climatique, pose des questions aiguës et inédites de politique publique, notamment au plan sanitaire et du cadre de vie. Sur ces enjeux d'adaptation au climat, j'en profite pour insister. Vous savez que la nature nous offre des solutions. Je veux vous partager avec vous le plaisir que l'agence vient de remporter un important programme LIFE européen sur les solutions fondées sur la nature. C'est un programme qui durera 8 ans, et qui pourra associer de nombreux partenaires. Il sera lancé d'ici à la fin de l'année, ou en tout cas début 2020, dans un parfait timing, permettant aux équipes élues au printemps 2020 de se saisir de cet enjeu climat-biodiversité de manière très concrète. Nous savons que d'autres grandes institutions sont intéressées pour travailler ensemble et rassembler nos forces. Je pense notamment à la Banque des Territoires, avec qui les premiers contacts sont d'ores et déjà fructueux. Vous le percevez certainement déjà, prendre à bras-le-corps les questions de biodiversité dans le cadre d'une mandature d'élu est en soi un beau challenge. Pour cela, il faut être accompagné, et vos services sont votre première ressource. Agir de manière systémique en pensant alimentation, éducation, travaux et aménagement, planification de l'espace, logement, énergie, nécessite de se poser quelques questions d'organisation et ne sont pas sans poser quelques difficultés. Comment faire en sorte que l'ensemble des services partagent une même grille et agissent de concert? Il ne faut pas hésiter pour cela à vous faire accompagner. De multiples partenaires existent dans le champ institutionnel. Je pense par exemple au CNFPT, au plan technique, les ressources des associations professionnelles et des centres de ressources comme l'AITF, Plantécité ou les CAUE, mais également parmi les gestionnaires et les associations, que ce soit les conservatoires d'espaces naturels, les CPIE, France Nature Environnement et ses associations, la LPO, Humanité Biodiversité, qui ont développé depuis longtemps des activités de soutien aux collectivités. Pour les communes situées dans un parc naturel régional ou près d'un parc national, vous avez déjà une première porte naturelle auprès de qui frapper. Ferdi Luisi ou Michael Weber tout à l'heure ne me démentiront pas sur ce point. Et puis il y a bien sûr les établissements publics, AFB, Agence de l'eau, ONCFS, CEREMA, qui sont là aussi pour vous accompagner. En tout cas, je trouverais intéressant que ce colloque donne des pistes en termes d'organisation pratique, des services, du relationnel entre les acteurs, que nous pourrions rediscuter avec les têtes de réseau des collectivités, parce qu'encore une fois, ces questions d'ingénierie et de dynamique collective est essentielle à la réussite et au fait de relever le défi que la ministre a évoqué. L'agence a, de ce point de vue, dès sa création souhaitée avec ses partenaires, développé un large pan de son action autour de ce qu'on appelle le pari des territoires. Je salue ici Sébastien Flores, qui est à la manœuvre avec François Gauthier et qui a inventé cette formule du pari des territoires. Cette formule reflète parfaitement le programme de notre après-midi, puisque nous aurons l'occasion de découvrir des initiatives et des témoignages d'élus de divers horizons qui partageront avec vous leurs défis, leurs avancées, leurs difficultés sans doute, pour tenter autant que possible de freiner l'érosion de la biodiversité partout et de poser les premiers jalons d'une reconquête ô combien essentielle pour nos territoires et plus généralement pour notre avenir. De grandes mutations sont en cours, les situations sont complexes car interreliées, grande déforestation au sud, changements globaux liés au changement climatique, évolution des modes de transport, la démographie mondiale en croissance, les tensions géopolitiques, l'effritement des fondements démocratiques, le monde est complexe, sûrement aujourd'hui encore plus qu'hier, mais ce n'est pas une raison pour renoncer. Les enjeux de biodiversité ne sont pas absents ni étrangers de ces questions importantes. Plus encore, je pense qu'elle peut nous aider à trouver des réponses. Dans ces combats collectifs qu'il nous faut relever, les solutions locales ont toute leur place dans la résolution de nombreuses équations. Prenons l'exemple de cette formidable opération des capitales françaises de la biodiversité. Elle vient la semaine dernière de révéler son palmarès annuel et elle nous montre la voie depuis 10 ans. Quels que soient les thèmes retenus chaque année, à chaque fois des collectivités répondent présentes et montrent qu'il est possible d'avancer. Évidemment, c'est parce que ces collectivités pionnières dans la reconquête de la biodiversité des territoires sont encore insuffisamment nombreuses que ce colloque et d'autres initiatives sont utiles pour montrer la voie. Dans quelques semaines, les forces vives de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et celles de l'Agence française pour la biodiversité seront conjuguées pour encore faciliter la mise en œuvre de politiques publiques exigeantes pour la biodiversité. Plus de 2700 agents répartis sur l'ensemble de nos territoires, de l'Hexagone aux Outre-mer, trouveront dans ce nouvel établissement les ressources nécessaires pour continuer d'œuvrer en faveur de cette transition. Inspecteurs de l'environnement pour la police, gestionnaires d'espaces naturels, facilitateurs de projets de reconquête, formateurs, financeurs, accompagnateurs, ce sont des dizaines de métiers différents qui, tous conjugués dans leur complémentarité, sont mobilisés. L'Office français de la biodiversité sera un établissement national et territorial qui, comme nous l'avons fait, mieux que nous l'avons fait, sera à vos côtés. Il s'engagera auprès des conseils régionaux intéressés pour créer avec eux les conditions d'une mobilisation des acteurs dans les régions autour d'objectifs communs et partagés. Cela se traduit par la mise en place de stratégies régionales biodiversité ambitieuses et la mise en place d'agences régionales de la biodiversité très opérationnelles qui sont créées, et je veux insister là-dessus, pour se rendre auprès de vous, mesdames et messieurs les élus, pour vous appuyer. Une ARB, ce n'est pas seulement un tête-à-tête entre la région et l'AFB, c'est bien la mobilisation des territoires dont il est question pour partager la vision dans l'action, comme le soulignait la ministre tout à l'heure. Très concrètement, nous mettons en œuvre avec nos partenaires l'initiative Territoire engagé pour la nature, que notre ministère de tutelle, avec Régions de France, ont décidé de lancer. Il est aujourd'hui déployé dans près de 10 régions, et d'autres s'y lanceront l'an prochain. D'ici cette fin d'année, plus de 100 premières collectivités seront reconnues engagées pour la nature. Concrètement, ce sont des collectifs régionaux, généralement animés par les ARB, mais qui associent beaucoup d'acteurs, dont l'AFB, mais dont les agences de l'eau également, qui s'engagent partout sur les territoires. Appuyer les collectivités qui souhaitent progresser et mener des actions ambitieuses en termes de biodiversité est un enjeu de solidarité territoriale. À cet égard, la mobilisation des départements sera un plus. Cette coopération est déjà opérationnelle avec certains d'entre eux. Gageons qu'elle progresse encore dans les semaines à venir. Je ne veux pas terminer cette intervention sans parler des atlas de biodiversité communale, un dispositif né en 2010, année internationale de la biodiversité, que j'ai souhaité que nous relancions dès la création de l'agence. Près de 1000 communes sont aujourd'hui impliquées, tant en métropole qu'en outre-mer. Quand une commune a fait un atlas de biodiversité communale, tout change en matière de prise en compte de la biodiversité et de projets de territoire. C'est tout cet acquis que nous sommes heureux de verser à l'OFB dès sa création au 1er janvier. 2020, la ministre l'a rappelé, sera une année marquée d'une pierre blanche. Je veux insister auprès de vous sur le fait que, à côté du Congrès mondial de la nature à Marseille, se tiendront les espaces Génération Nature. Ces espaces ouverts au grand public, nous attendons 100 000 personnes, seront aussi l'occasion pour les acteurs, dont les collectivités, de faire savoir ce qu'elles font, d'aller parler au public de ces sujets et de montrer qu'il est possible d'agir. Pour accompagner cette dynamique, ce colloque vient à point. Colloque, le vocable n'est peut-être pas le meilleur terme pour incarner ce qui se joue aujourd'hui dans cette salle. Séminaire de lancement, peut-être, monsieur le sénateur, serait probablement plus approprié, tant l'envie est grande du côté de l'agence et demain de l'OFB, tout de suite après de penser à la suite. Vraiment, vous me permettrez, monsieur le sénateur, de lancer ici cet appel pour que de telles initiatives continuent de fleurir ici, au Sénat, au regard de l'importance du sujet qui nous réunit. Au nom de Philippe Martin, président du conseil d'administration de l'agence, et qui s'excuse de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui, je vous remercie encore pour cette initiative. Je vous souhaite à tous un bel après-midi d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gilles Lecuir, chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et j'ai la charge de faciliter la discussion entre chacun cet après-midi. On va avoir un éclairage scientifique avec Luc Abadi, professeur d'écologie, directeur de l'Institut de la transition écologique de Sorbonne Université et vice-président du conseil scientifique de l'Agence, où vous voulez, Luc. Pour en savoir plus sur l'état de santé de la nature en France, dans le monde et en France, et puis surtout les enjeux et les solutions. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous, et merci au Sénat, au ministère et à l'AFB de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui, je suis très fier de ça. Je vais donc jouer mon rôle de scientifique en vous présentant quelques données sur l'état de la biodiversité, sur les facteurs qui expliquent l'état de cette biodiversité et sur les pistes de solutions qui peuvent effectivement vous inspirer pour cadrer des actions sur le terrain. mettre l'autre. Oui, ça y est, c'est bon. Alors, peut-être un premier bilan sur ce qui se passe au niveau mondial, hein, avec des données qui sont tirées du dernier rapport donc, de l'IPBES. Donc là, il faut être clair, les nouvelles sont mauvaises. En matière de biodiversité, on est engagé dans une phase de régression du vivant extrêmement forte. Vous avez ici, par exemple, à l'échelon planétaire, une vision historique de ce qui se passe sur un certain nombre de groupes d'espèces, où vous pourrez voir que depuis 1500, alors 1500, c'est le début des grands voyages naturalistes, hein, on commence donc à avoir des recensements et des observations qui sont fiables, qu'on peut comparer à des observations d'aujourd'hui. On a, selon les groupes, entre 1, 2, 3% de taux d'extinction, donc cumulé sur les 5 siècles les plus récents. Et vous voyez également, la forme de ces courbes, elle est exponentielle. Donc on est très clairement sur un phénomène qui est en train de s'accélérer. Ce constat, il peut être fait aussi, pas seulement en termes de perte d'espèces, mais en termes d'effectifs. Tout le monde a entendu parler probablement de la chute d'effectifs dans des aires protégées en Allemagne, hein, sur les insectes, avec quelque chose qui frise les 80% sur à peu près 25 ans, donc une chute extrêmement rapide. Et sur le schéma de droite, vous voyez également des estimations mondiales sur le taux de réduction des effectifs, hein, nombre d'individus qui diminuent sur différents groupes d'insectes à travers le monde. Donc on est bien sur une chute d'effectifs extrêmement importante à l'échelon planétaire. Alors une chute d'effectifs, ça peut paraître comme ça abstrait, mais c'est évidemment le chemin vers l'extinction, au minimum vers l'extinction locale. Ça a été évoqué tout à l'heure, les données sur le territoire français ne sont pas très bonnes non plus. Ici, vous avez un indicateur sur les oiseaux qui est maintenant établi depuis pas mal de temps, donc fiable, établi d'ailleurs au passage par un réseau d'observateurs volontaires. C'est de la science participative, bien encadrée par un personnel scientifique compétent en termes de statistiques et qui nous donne une régression du nombre d'oiseaux de l'ordre de 1% ou un petit peu plus selon les milieux depuis le début des enregistrements. Et je ne vous montre pas, mais vous avez entendu parler, oui, peut-être, du nouvel indicateur, donc sur 10 ans seulement, donc peut-être rester un petit peu prudent pour l'instant, le recul n'est pas équivalent celui pour les oiseaux, mais on a 38% de chauves-souris qui ont donc régressé en termes d'effectifs depuis 10 ans. Donc, il faut employer les mots qui correspondent à la réalité. C'est un effondrement de la biodiversité. Mais la bonne nouvelle, comme ça a été évoqué avant, c'est que lorsqu'on regarde les données concernant les aires protégées, sur les oiseaux, par exemple, les oiseaux communs, les mêmes que ceux qui sont mesurés dans cette figure, eh bien là, au contraire, on a une augmentation de la densité de l'ordre de 15%. Donc, effectivement, l'observation valide le fait que les aires protégées, quelle que soit leur nature, sont une solution efficace pour remonter les effectifs de la biodiversité. Alors, en France, on est moins concerné pour l'instant par la disparition d'espèces, mais quand on regarde la liste rouge de l'UICN, quand on l'applique aux espèces françaises en métropole ou en outre-mer, on tombe quand même sur des taux importants, hein, de l'ordre de 20% ou plus selon les groupes, d'espèces qui sont en danger. Bah, tout simplement, ça, c'est la conséquence de la chute d'effectifs qui est observée un petit peu partout. Alors, une fois qu'on a fait ces constats, évidemment, il faut s'interroger sur les causes, puisqu'une fois qu'on a identifié les causes, on peut commencer à proposer des stratégies efficaces de lutte contre cette dégradation. Donc, j'ai déjà parlé des aires protégées. Ces aires protégées, elles ont un intérêt en termes d'habitat, mais également en termes de réserves d'espèces qui peuvent circuler d'une zone à l'autre et compenser d'éventuelles dynamiques négatives qui peuvent se faire jour à droite ou à gauche. Donc, c'est la question de la connectivité. Donc, la structure du paysage, la connectivité, la densité finalement des trames vertes, bleues, maintenant on parle aussi des trames brunes, des trames noires pour les espèces nocturnes. Ça, c'est extrêmement important pour maintenir à l'échelon régional une biodiversité en bonne forme et capable d'encaisser en quelque sorte les variations de l'environnement et notamment les variations climatiques, je vais y revenir. On connaît également, c'est une courbe archi-classique en écologie, on sait également que, c'est un peu logique, la surface des territoires protégés est évidemment corrélé positivement au nombre d'espèces. Donc faire des aires protégées d'une taille correcte avec un système de connexion est une très bonne politique territoriale pour arriver à inverser la tendance. Et ça, ce n'est pas des hypothèses, ce sont des faits. Donc, ce recul de la biodiversité donc, est lié à la fragmentation des paysages. Donc, c'est l'artificialisation des terres, c'est l'extension des villes, c'est l'extension des infrastructures de transport qui fragmentent également et qui gênent la communication des espèces. Et c'est l'activité agricole elle-même. Alors, l'activité agricole, elle joue à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la réduction des surfaces disponibles en termes d'habitat et de ressources pour les espèces. Ici, vous avez une image de la situation mondiale. Il faut avoir en tête qu'un tiers, c'est énorme, un tiers des surfaces continentales aujourd'hui à l'échelon planétaire sont consacrées à la production d'alimentation pour les humains. Si vous retirez les terres qui sont couvertes de glace, vous passez à 49% des terres qui sont couvertes par les activités de production agricole. Là-dessus, il y a à peu près, si on prend la situation mondiale, encore une fois, à peu près 23% des continents qui sont consacrés à des prairies, donc pour l'élevage. Le reste, 10% à peu près, en terres labourées. Sur ces terres labourées, il y en a 4 à 5% seulement qui sont consacrés à la production végétale pour l'alimentation humaine. Vous avez entre 3 et 4% qui sont consacrés à la production d'aliments pour les animaux d'élevage. Et puis le reste, plutôt en croissance, 1 à 2% pour des matériaux pour la chimie, des biocarburants, etc. Et ça, on prévoit effectivement que cette part-là va augmenter. Donc c'est assez clair. Bien entendu, c'est une évidence, avec un tel impact en termes de surface. Évidemment, aujourd'hui, et ça, c'est l'IPBES qui le confirme, l'agriculture est un facteur numéro un de régression de la biodiversité. Alors, bien entendu, il n'y a pas que la surface disponible pour la biodiversité, les habitats, les ressources alimentaires. Il y a évidemment le mode agricole, je vais y revenir, notamment l'usage de pesticides qui joue un rôle non négligeable dans cette régression, même si probablement la perte d'espace disponible pour les espèces est le facteur numéro un, le facteur explicatif numéro un. Alors, le climat est aujourd'hui considéré comme étant la troisième cause seulement de la régression des espèces. Mais évidemment, ça va très vite monter en intensité, si j'ose dire, et ça va peut-être devenir le premier facteur. Tout simplement parce qu'avec le changement climatique, comme vous le savez, les zones climatiques se déplacent, migrent vers le nord, dans l'hémisphère nord, à peu près 150 à 200 km de migration vers le nord des zones climatiques pour 1 degré de moyenne supplémentaire. Ce qui veut dire que si on prend l'hypothèse 3 à 4 degrés, qui est l'hypothèse la plus probable pour l'instant, c'est 600 à 800 km de migration des zones climatiques sur le siècle. Donc évidemment, derrière, il faut que les espèces courent pour rester dans les zones de compatibilité climatique. Et aujourd'hui, c'est ce qui est illustré sur ce schéma un petit peu compliqué, mais on a les différents scénarios climatiques. Les lignes horizontales, donc vers le haut, c'est les scénarios les plus durs, si vous voulez. Et on a repéré ici l'équivalent en termes de distance à parcourir pour les espèces. Et c'est une évidence, il y a des espèces qui vont bien s'en sortir, d'autres non. Les arbres, ça va être compliqué. Les vers de terre, ça va être compliqué aussi. Et c'est tellement vrai, cette histoire, qu'on commence à voir émerger une nouvelle branche de la science écologique, qui est l'écologie de la migration assistée. Donc on se dit comment on va faire pour aider ces espèces à bouger suffisamment vite pour ne pas perdre la course de vitesse avec les zones climatiques. Donc ça va devenir certainement un des facteurs, peut-être le facteur principal à court terme. Alors pour terminer, peut-être les solutions, comment on peut essayer d'avancer d'une manière générale. La première, donc je reviens sur l'agriculture, c'est évidemment la désintensification. Ici, vous avez des résultats récents et très intéressants qui ont été obtenus sur l'ouest de la France, qui montrent le lien, par exemple, en abscisse, vous avez l'intensité de la production, et puis en ordonnée, par exemple, on a le nombre d'espèces, là, sur le schéma en haut à gauche, eh bien, on voit qu'il y a une relation négative, statistiquement, entre cette intensification et le nombre d'espèces qui sont disponibles dans les champs et dans le paysage. Donc, le premier élément, c'est évidemment de réduire cette intensification de l'agriculture. Donc, ça passe par des changements de comportement alimentaire, évidemment. Il va falloir réduire le gaspillage alimentaire, qui est aujourd'hui de l'ordre de 30%, hein, donc y compris dans nos cantines collectives. Il va falloir également réduire la part de consommation de produits animaux. Ce n'est pas un problème idéologique, cette histoire, c'est une règle écologique, c'est même une règle thermodynamique. À chaque fois que vous passez d'un niveau, ce qu'on appelle un niveau alimentaire ou un niveau trophique, comme vous voulez, à l'autre, on perd 5, un facteur 5, on se prend un facteur 5 à 10 en termes de réduction de masse. Autrement dit, il faut beaucoup plus d'espace pour produire 100 kg de protéines animales. 5 à 10 fois plus que pour produire 100 kg de protéines végétales. Donc, en dehors de tout débat idéologique, la réduction des produits animaux est aussi une solution pour réduire l'impact de l'agriculture sur, en termes de surface, en tout cas, sur la biodiversité. Je reviens là-dessus. L'autre perspective, c'est l'agroécologie, qui se développe aujourd'hui de plus en plus, donc qui dépasse l'approche bio, qui est évidemment une bonne approche, mais peut-être pas suffisante. Et derrière le terme agroécologie, j'aime bien citer une formule de Michel Griffon, un économiste agronome du CIRAD, qui parle, lui, d'agriculture écologiquement intensive. Et ça, je pense que c'est ultra important sur le plan théorique. On gagnera la bataille si on reste sur une productivité élevée au mètre carré ou à l'hectare. Sinon, on passe à l'extensif et donc à la régression des habitats naturels. Et quand vous savez que la FAO prévoit une augmentation de la production alimentaire de 50% d'ici 2050, bah, c'est pas compliqué de voir que sur ce mode-là de l'agriculture, le mode actuel, bien évidemment, ça ne tient pas la route. On parlera plus de biodiversité. Donc l'agroécologie, qui prend inspiration sur la nature, ce n'est pas une image. On découvre tous les jours des réseaux de relations incroyables entre les plantes qui conduisent à une efficacité de l'usage des ressources, un recyclage des ressources, etc. Il y a vraiment des choses nouvelles à mettre en place. Et franchement, il y a un potentiel colossal pour avoir une agriculture productive, mais basée sur des approches qui sont assez radicalement différentes et qui nécessitent, pour être mises en œuvre, également de l'innovation technologique. Donc il n'y a pas opposition entre les solutions basées sur la nature et la mise en œuvre, finalement, mimer la nature, en quelque sorte. Il y a également des choses à faire en agroforesterie, puisque les forêts sont aussi un habitat important pour la biodiversité, qu'elles sont citées un petit peu comme une solution miracle ces derniers temps. On va faire des biocarburants, du bois matériaux, etc. Donc on va reporter une bonne partie de la pression sur la forêt. Donc il faut être prudent quand même. Mais là aussi, des résultats tombent. Cela, il date de 2016. Une étude mondiale sur, je crois que c'est pas loin de 800 000 points d'observation à travers la planète, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Ici, vous avez le résultat de cette étude, corrélation positive entre la diversité des arbres, donc des peuplements forestiers diversifiés, et la productivité. Donc, finalement, ce lien entre biodiversité et productivité semble assez général et clairement est une source pour imaginer, encore une fois, des systèmes qui sont à la hauteur en termes de satisfaction de la demande. Et puis, je ne vous le montre pas ici, mais des résultats récents qui datent de 3 mois montrent que des forêts très diversifiées sont beaucoup moins sensibles aux maladies, aux pathogènes, que des forêts moins diversifiées. Donc, on gagne en termes de résilience, de capacité à résister aux perturbations de l'environnement. Il s'agit évidemment, puisque les villes s'étendent et qu'elles vont continuer à s'étendre, si on regarde l'Europe du Nord-Ouest, c'est une vaste ville, il y a un vaste champ intensif. La question de la végétalisation en ville n'est pas un gadget. Il y a un enjeu majeur. J'ai parlé tout à l'heure de la mobilité des espèces, qui est vraiment la clé pour leur survie. Bien, les villes aujourd'hui sont trop souvent des obstacles. Et donc, il importe, de la même façon qu'on modifie un petit peu l'organisation du paysage dans les zones rurales, il importe d'avoir une politique résolue, de végétalisation des villes, qui vont pouvoir devenir soit des habitats pour certaines espèces, donc compenser la perte d'habitat, soit tout simplement devenir perméable et permettre cette mobilité des espèces qui sont en train de remonter vers le nord. Donc, en clair, ça veut dire végétaliser les toits, les murs, ça veut dire créer une véritable canopée urbaine, avoir une politique alternative sur la taille des arbres, etc., etc., et désimperméabiliser les sols. Pourquoi ? Parce qu'un sol imperméable n'accumule pas l'eau, et un arbre qui n'a pas d'eau, il ne transpire pas, et un arbre qui ne transpire pas ne joue pas le rôle important qu'il a en termes d'adaptation au pic de chaleur, en particulier dans les milieux urbains. Et ça, c'est un point clé. Des modèles montrent, par exemple, sur la ville de Manchester, vous végétalisez ce qui est végétalisable à Manchester, dans les rues, sur les toits, vous gagnez 8 degrés sur les pics de canicule. Donc, vous sauvez des vies. Donc, faire de la végétalisation en ville, c'est lutter contre le changement climatique, c'est créer quelque chose de favorable pour la biodiversité, et c'est faire une politique de santé publique. Et puis, pour terminer, peut-être deux éléments sur lesquels moi, j'ai pas trop de données, mais peut-être deux perspectives de réflexion. Il me semble qu'il est temps aujourd'hui de repenser un petit peu les rapports monde rural, monde urbain. Finalement, quand on regarde tout ça avec un regard d'écologue, je suis écologue, je me dis que les frontières administratives et géographiques aujourd'hui du monde rural versus le monde urbain, ben, ça ne tient pas la route sur le plan fonctionnel. Et que peut-être il est important de repenser des continuités territoriales en termes fonctionnels. Ça me paraît évident pour le cycle du carbone, par exemple, puisqu'il faut fixer du carbone dans les territoires pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons de fertilité des sols. Il y a vraiment des choses à organiser entre la ville et la campagne. Ça me paraît évident sur les ressources en eau. Il va y avoir une raréfaction de l'eau. Comment ça va se passer en termes de partage entre la ville, la campagne, et entre les hommes et la nature? Si vous avez des baisses de niveau de nappe phréatique trop fort, les arbres n'arriveront plus à s'approvisionner. Et donc, on aura une mortalité très forte forestière, par exemple. Mais on peut faire autrement. Pareil pour l'énergie, etc. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment... Ça, la balle est dans le camp des personnes en charge des territoires. Et l'autre point qui me semble important, qui a été évoqué, j'imagine qu'il est difficile, c'est quand même de bien réfléchir à cette question de la zéro artificialisation nette. Je pense que ça, c'est une approche indispensable si on ne veut pas continuer à finalement bloquer, si on ne veut pas continuer, à alimenter cet effondrement du vivant. Et donc, mon dernier mot, c'est qu'à côté de vous, il y a aussi un monde scientifique. Vous avez en France, parce que vous savez que le premier établissement au monde en écologie, c'est un établissement français. C'est l'Université de Montpellier, devant Oxford et autres. Donc, vous avez une accumulation de compétences dans les laboratoires de ce pays. N'hésitez pas à essayer de les faire travailler avec vous. Merci. Alors, pour avoir un panorama d'actions positives mises en œuvre par les territoires, j'appelle à venir à la tribune Laetitia Cour, Patrick Barbier, Ferdi Louisi, Pierre Louot, Caroline Gouttleben et Olivia de Malville, si vous voulez bien vous installer. Merci beaucoup. Et on va commencer avec Laetitia Cour. Vous êtes adjointe au maire de Saint-Aubin-du-Cormier, une commune rurale de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et vous allez nous parler de ce que vous faites dans votre territoire, justement sur un atlas de la biodiversité communale. Pour avoir la parole, il vous faut appuyer sur le gros bouton rouge. Et il suffit de rappuyer dessus quand vous avez terminé. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'Agence française de la biodiversité. Et donc, en particulier, Monsieur Sébastien Flores et Monsieur Gilles Lecuir de m'avoir invité à présenter cet atlas de biodiversité communale et à féliciter Monsieur Chevrolier, sénateur de Mayenne, pour cette initiative ô combien importante au regard des enjeux actuels et à venir. Donc Saint-Aubin-du-Cormier est une commune rurale de 4000 habitants située en Ille-et-Vilaine, plus précisément entre Rennes et Fougères. Cette ville fait historiquement partie des Marches de Bretagne. Saint-Aubin-du-Cormier bénéficie d'un patrimoine riche à la fois historiquement et écologiquement, ce qui s'est traduit par la mise en place de différentes mesures de reconnaissance et de protection. Je ne développerai pas ici, mais nous avons deux Znièves, deux ENS et une partie de la forêt domaniale est intégrée dans un site Natura 2000. C'est un territoire de 27 km² qui se qualifie par la diversité des milieux. Et c'est notamment l'imbrication forte de ces milieux qui participent à la multiplication des effets de lisière importants en écologie. Les espaces boisés représentent plus d'un tiers de la surface de la commune et le bocage est relativement bien présent, bien préservé, mais il est vieillissant. Dès 2009, la municipalité s'est engagée pour l'environnement avec l'adoption d'une charte pour l'environnement et le zéro phyto total sur tous les espaces communaux. En 2014, la nouvelle équipe municipale met en œuvre une politique de gestion des espaces publics plus écologiques avec l'ambition de favoriser la biodiversité locale. Nous développons alors la tonte différenciée, la fauche tardive, le fleurissement des pieds de mur avec des espèces locales, la végétalisation du cimetière ou encore l'écopâturage. C'est dans ce contexte et grâce au soutien de l'Agence française pour la biodiversité que nous nous lançons dans la démarche d'Atlas de biodiversité communale. Début 2018, en partenariat avec AgroCampus Ouest, qui est l'école supérieure d'agronomie de Rennes, qui a une formation d'ingénieur spécialisé en écologie. Également avec le lycée agricole La Lande de la Rencontre, qui porte une formation BTS Gestion et Protection de la Nature, et l'association Bretagne Vivante, qui est une association de naturalistes. Les deux objectifs principaux sur l'Atlas de biodiversité communale sont d'identifier les données et de réaliser des inventaires naturalistes ciblés, également de mobiliser tous les acteurs du territoire afin de mieux connaître le patrimoine naturel pour mieux le préserver et mieux le valoriser. Pour des questions de temps, je ne développerai pas la méthodologie mise en œuvre, vous la voyez à l'écran, mais il y a effectivement l'acquisition de connaissances et en parallèle la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de l'ABC et de nombreuses actions ont été réalisées. Je ne peux pas détailler toutes les actions, mais j'ai choisi de vous présenter deux projets qui, selon moi, caractérisent bien notre démarche. Concernant la sensibilisation et la mobilisation des acteurs, nous avons évidemment travaillé avec les scolaires, avec les jeunes, en les impliquant notamment dans des programmes de sciences participatives. Nous avons également proposé des programmes d'animation et de sortie nature, ainsi que des ateliers pratiques pour les habitants. Mais le constat est souvent là, ne participent à ces actions que les personnes déjà sensibles à la question de la biodiversité. Or, l'ambition et même l'enjeu aujourd'hui est bien d'aller au-delà des groupes d'initiés ou des habitants déjà sensibilisés. C'est pourquoi, et c'est pour moi une des belles initiatives et belles innovations de cet atlas de biodiversité communale, nous avons su nous appuyer sur les responsables d'associations locales dont les activités n'ont pas de lien avec la biodiversité, telles que les associations sportives, culturelles, sur le champ social ou sur l'histoire et le patrimoine. Tout cela afin de proposer des actions co-construites reliant la biodiversité avec leurs pratiques de loisirs. Un lien qui, a priori, n'est pas spontané. Et c'est ainsi que sont nés, avec l'aide des étudiants BTS, Gestion et Protection de la Nature, des soirées projection-débat sur des espèces mal aimées, telles que les serpents ou les blaireaux, au bar associatif de la commune, ou encore une sortie nature traduite en anglais avec le comité de jumelage, une sortie nature traduite en langue des signes par une habitante de la commune, une rencontre avec le Conseil des sages et le Club des aînés sur le thème « Souvenir de la nature d'antan », de manière à voir l'évolution de la biodiversité à partir de la liste rouge régionale des espèces menacées. Et pour l'année à venir, des pièces de théâtre sur l'Atlas de biodiversité communale avec l'association Théâtre, une sortie en gallo, qui est donc la langue locale, et un travail sur la toponymie des lieux dits en lien avec la biodiversité via une association d'histoire locale. Plein d'autres idées, je pense, vont émerger dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Toutes ces actions permettent non seulement de démultiplier la sensibilisation et de toucher de nouveaux habitants, mais c'est également une remontée non négligeable de données sur la nature environnante, provenant des habitants qui peuvent être des joggeurs, des randonneurs, des cavaliers, autant d'informations qui viennent alimenter notre ABC. En parallèle, et ce sera mon second focus, un travail important de mobilisation des agriculteurs a été réalisé sur notre commune. L'équipe de recherche de l'Observatoire participatif des vers de terre, l'OPVT, de l'Université de Rennes, a lancé à Saint-Aubin-du-Cormier la première expérimentation d'inventaire des vers de terre dans le cadre d'un ABC pour la prise en compte de la trame brune. Les résultats viendront alimenter la carte biologique des sols de Bretagne. Ainsi, les agriculteurs ont été invités à participer à un temps de rencontre avec l'équipe de recherche qui les a sensibilisés et leur a présenté le protocole à mettre en place sur leur parcelle. La majorité des agriculteurs, nous en avons 16 sur la commune, a mis à disposition des parcelles pour ce protocole. Le protocole a même été développé sur les espaces publics avec la participation active des agents communaux. De plus, des enquêtes sociologiques ont été menées auprès des agriculteurs pour identifier leurs pratiques et leur représentation de la biodiversité sur leurs parcelles. Un inventaire et une typologie des prairies permanentes a aussi été réalisé par des étudiants ingénieurs agronomes. D'autres inventaires, milieux et habitats ont été réalisés sur différents espaces de la commune dans le cadre de l'ABC et sont venus compléter significativement les inventaires réglementaires. Cela nous permet déjà de mieux appréhender les enjeux du territoire, comme nous pouvons le voir à travers cet exemple. Donc, la première photo que vous voyez, qui s'affiche à l'écran, photo aérienne du sud de la commune, nous avons là marqué les apports minimaux attendus dans le cadre d'un plan local d'urbanisme, un PLU, donc avec l'inventaire des zones humides et le linéaire bocager. Sur la même photo aérienne, nous avons ajouté l'inventaire des milieux naturels d'intérêt écologique, qui est une spécificité du pays de Rennes, pays auquel la commune a été rattachée récemment. Et enfin, nous avons cette troisième vue aérienne avec les données terrain de l'ABC. Donc nous voyons ici la localisation des mares et l'identification d'un réseau fonctionnel. Nous identifions également le bocage avec une typologie des haies qui permet de visualiser la qualité du bocage. Nous ne sommes plus sur des données quantitatives, mais là bien qualitatives, qui nous montrent la connectivité entre les milieux. Et cela nous permet de prévoir des mesures de gestion plus pertinentes à l'échelle du territoire. D'autres inventaires complémentaires seront réalisés en collaboration avec différents experts naturalistes et viendront améliorer notre connaissance de la biodiversité communale afin d'alimenter l'atlas de biodiversité communale et d'élaborer le plan d'action. Pour conclure, je dirais que l'ABC est un formidable outil pour lancer une dynamique biodiversité sur un territoire. Je parlerai même dans notre cas de synergie. Le fait de s'inscrire dans une démarche nationale nous a clairement apporté de la légitimité et nous a permis de valoriser nos actions qui, petit à petit, s'ancrent dans la durée et font changer les regards. Regard des habitants, tout d'abord, avec une réelle appropriation de leur territoire de vie et une meilleure compréhension des politiques locales. Regard d'élus, ensuite, puisqu'aujourd'hui, la biodiversité n'est plus appréhendée comme une contrainte, mais comme un atout du territoire, et que nous intégrons systématiquement la biodiversité dans tous les projets d'aménagement et dans notre futur PLI que nous révisons actuellement, avec par exemple des passages à faune obligatoires, un futur écoquartier ou encore des bandes de 10 mètres pour préserver les haies existantes dans les futurs aménagements. Et enfin, le regard des agents, et c'est pour moi essentiel, car si les agents changent, les équipes techniques, elles, restent, et c'est elles qui agissent au quotidien. Pour finir, je pense que même si en termes de fonctionnalité, l'échelle communale n'est pas la plus pertinente pour la biodiversité, elle facilite néanmoins une mise en action concrète et une réactivité qui n'est pas toujours possible à de plus grandes échelles. Et le pari que je fais, c'est que notre expérience permettra d'initier une réflexion à une échelle plus large telle que la communauté de communes. Il s'agit donc de montrer avec motivation et ambition que c'est possible. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour illustrer ce thème des ABC, nous avons la chance de disposer d'un court film d'un atlas de la biodiversité qui se déroule actuellement dans une commune petite, pas forcément, de Guyane, Sahul. Et je vous propose qu'on regarde cette toute très courte vidéo, si j'arrive à la lancer. Les programmes d'ABC, ce sont des programmes qui visent à cartographier toute la biodiversité d'une commune ou d'une collectivité. Donc on utilise pour ça au maximum des démarches participatives, c'est-à-dire qu'on implique les citoyens, donc les habitants, les enfants et même à Sahul, les visiteurs. C'est parce qu'il arrive à creuser un peu un trou dans les feuilles. En début d'animation, on a eu l'information comme quoi il y avait un grage franc carreau qui était au niveau du sentier Gros Arbre. Donc on en a profité pour aller le voir, puisque c'est le thème de l'animation. Tu le vois ? Le but, c'est de pouvoir montrer cette biodiversité. On ne peut pas demander aux gens d'être experts, de pouvoir donner des noms latins à tout ce qu'ils peuvent voir. Donc l'intérêt, c'est aussi de faire venir des spécialistes pour aussi montrer que tous les serpents ne sont pas venimeux, des grenouilles, il y a des petites merveilles à trouver, comme ce qu'on a pu trouver en fait avec les enfants. Donc aussi bien leur faire des conférences et des expositions photos, des cours, ou les emmener sur les sentiers. N'hésitez pas à photographier. C'est tout à fait positif parce que ça fait vivre notre commune, ça la fait connaître aux yeux, je vais dire, du monde entier. Ça nous permet à nous-mêmes de connaître et de pouvoir donner un nom aux espèces que nous trouvons. Regarde, regarde, regarde, regarde, tu peux te poser sur ta main. Alors le programme ABC est tout simplement magnifique, parce que c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est science, aborder et travailler avec un livre, ce n'est vraiment pas la même chose qu'être sur le terrain. C'est-à-dire que les enfants se rendent compte de ce qu'il y a dans leur environnement. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que vivre dans un espace et ne pas connaître justement cette biodiversité, là le fait d'avoir des spécialistes qui puissent les ramener vers, les centrer vers la richesse, hein, tout simplement, de leur environnement. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir aussi, même s'ils ne sont pas avec nous. Et du coup, Ferdi Louisi, en tant que maire de Goyave, mais aussi évidemment président du Parc national de Guadeloupe, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les enjeux et les actions des collectivités d'outre-mer, et puis peut-être les rapports avec ces aires protégées, dont on a vu avec Luc Abadi qu'elles avaient un rôle extrêmement important. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation qui nous a été faite. Merci Christophe de me permettre de m'exprimer au nom de l'Outre-mer particulièrement. Et je crois que ce reportage en Guyane est prégnant et poignant en même temps, qui montre la problématique des collectivités, y compris celles d'Outre-mer, qui doivent davantage s'engager pour la reconquête de la biodiversité. Mais à mon avis, à mon sens, elles ne sont pas assez régaliennes pour y entrer, pour y arriver seules. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de vous tenir un discours de vérité, un discours franc, et qui est fondée sur ma longue expérience d'élu de terrain engagé pour la biodiversité. D'abord, on ne va pas parler de biodiversité si on ne définit pas le contexte même des collectivités, et particulièrement la situation globale et financière des collectivités d'outre-mer. Il y a un climat social qui est détérioré, qui n'est pas optimal, particulièrement dans les territoires d'outre-mer, et en Guadeloupe, par exemple, la population est davantage concernée par la problématique de la distribution de l'eau courante, de l'invasion des algues sargasses, de la pollution des sols et de l'eau à la chlordécone, ou encore par le taux de chômage, l'insécurité, que par la préservation de la biodiversité. Et pourtant, trois quarts de ces problèmes concernent l'environnement, justement. Une large majorité de la population considère la préservation de la biodiversité et de l'environnement plus comme un frein, alors que la sauvegarde de la nature est une solution, mais le message n'est pas forcément entendu ou bien entendu. Les administrés d'une ville ne sont pas particulièrement sensibles à la biodiversité. Ils sont sensibles à leur quotidien, à leur confort immédiat. Alors, vous voyez, dans tous les reportages, et on l'a dit en début d'intervention, je crois que c'est Luc Abadi qui l'a dit, ce sont les initiés, ce sont ceux qui ont l'habitude de venir et qui ne sont pas suffisamment nombreux. Alors, je prends l'exemple de la Guadeloupe, sur 32 communes, très peu, moins de 5 communes, ont une situation financière et budgétaire saine qui leur permettrait d'appréhender sereinement l'avenir. Les communes de Guadeloupe et d'Outre-mer sont exposées à des risques majeurs comme les cyclones, les inondations, les risques volcaniques, les risques sismiques. Mais en outre, elles sont pénalisées par leur insularité. Je discutais tout à l'heure avec l'attaché parlementaire de M. le sénateur pour lui expliquer que certaines communes de Guadeloupe souffrent d'une double insularité. C'est un archipel. Et donc, partant de là, elles doivent faire des économies pour gérer à l'équilibre leur budget. Et pourquoi j'insiste sur cet aspect financier? Parce que l'engagement d'une collectivité pour la biodiversité tient aussi à sa capacité financière de pouvoir initier des politiques publiques. Or, les collectivités d'outre-mer sont toutes concernées par ce phénomène à l'origine de l'érosion de la biodiversité, sur terre comme sur mer. Les collectivités territoriales doivent s'inscrire dans une dynamique de mutualisation et de synergie d'action avec les établissements publics compétents en matière de biodiversité. Il faudrait des recettes, il faudrait aussi des économies nouvelles qui seraient redéployées exclusivement pour des actions de biodiversité avec l'appui de l'État. Et c'est là, et c'est à ce niveau justement, que le Sénat pourrait intervenir pour arbitrer en faveur des collectivités via le collectif budgétaire. Je prends un exemple. Pour lutter contre ces causes de dégradation, la loi biodiversité prévoit que l'État se dote d'un plan d'action visant à protéger 75% des récifs coralliens français à l'horizon 2021. Mais combien de collectivités, l'exemple de ma commune Guayave en Guadeloupe en est un, combien de collectivités peuvent se permettre d'accompagner ce plan d'action au plus proche des territoires? Ma commune est protégée par une barrière récifale qui est en ce moment en train de mourir et qui présente des risques énormes lorsqu'on aura des marées de tempête, de submersion des côtes, du littoral, avec toutes les problématiques d'assainissement. La plupart des villes en Outre-mer, dans les îles, ce sont des villes de littoral. Donc il faut revoir la problématique de l'implantation, il faut revoir les schémas d'assainissement qui s'en suivent, etc. Donc vous voyez, cela touche, cette érosion de la biodiversité, ce dérèglement climatique a des conséquences énormes, énormes sur les politiques publiques et les équipements publics qui ont été mis en place depuis tantôt et qui devront continuer à le faire. Chaque commune, à mon sens, devrait consacrer dans chacun de ses projets une part pour la biodiversité. C'est ce que nous avons mis en place à Guayave avec une ligne budgétaire dédiée à la cause environnementale, alors même que la comptabilité dite M14 ne le prévoit pas. Mais on a souhaité le faire pour accompagner ces actions. Et par ailleurs, nous avons défini, vous en avez parlé tout à l'heure, le plan local d'urbanisme qui a été pensé pour répondre aux besoins environnementaux et préserver prioritairement la nature face aux besoins croissants d'urbanisation et aux pressions des investisseurs. Cela afin d'œuvrer pour la biodiversité, mais il faut du courage, il faut beaucoup de courage politique et faire ce qui est juste pour l'intérêt général, mais il faut aussi des lois pour encourager, pour aider les maires courageux en matière de biodiversité. Exemple de projet écologique, c'est l'aménagement d'une plage sur le territoire de ma commune et le projet de rénovation de l'éclairage public que nous avons souhaité mettre en place. Exemple pour l'éclairage public, ça nous fait faire des économies d'énergie, certes, mais nous avons souhaité mettre en place cette forme d'éclairage public pour la préservation des insectes nocturnes. On a parlé tout à l'heure de trame noire, monsieur le scientifique tout à l'heure, Luc a parlé de trame noire. C'est très important pour nous aussi, en ayant connaissance de ces données, de mettre en place un certain nombre d'équipements qui contribuent à ces préservations. Donc voilà des exemples. Mais avant de finir, ce que j'aurais voulu dire et lancer comme message, c'est est-ce que les collectivités d'outre-mer peuvent, peuvent-elles sauver à elles seules 80% de la biodiversité nationale? Parce qu'on le dit régulièrement, 80% de cette biodiversité nationale est en outre-mer, mais est-ce que nous avons la possibilité de le faire? Oui, certainement, à travers un certain nombre d'établissements. C'est là qu'on voit le rôle des parcs nationaux. Les parcs nationaux qui doivent accompagner les communes, que ce soit en outre-mer ou sur le territoire hexagonal, accompagner les EPCI, accompagner les collectivités que sont des régions ou des départements, assurer avec elles la protection de la biodiversité. Et ils doivent être identifiés, ces parcs nationaux, comme, à mon sens, l'un des principaux garants de la préservation de la biodiversité. C'est le cas du parc national de la Guadeloupe, que je préside, et qui est devenu une référence, une institution respectée, reconnue. Et nous mettons à ce niveau-là toute notre ingénierie à la disposition des communes qui nous sollicitent. Exemple, on a fait la pose de mouillage à l'île Pigeon, ce qu'on appelle la réserve Cousteau, très important pour la préservation des fonds marins. On a permis la mise en place d'un observatoire ornithologique dans une commune du nord de la Grande Terre. On fait de l'éducation à l'environnement auprès des scolaires. Et là aussi, nous insistons beaucoup et nous allons accompagner le Parc national de la Guadeloupe, la mise en place, ça a été dit tout à l'heure, de l'Atlas de la biodiversité communale par le partenariat que nous avons avec l'Agence française pour la biodiversité. Donc ces parcs nationaux, ils doivent être perçus comme des partenaires et non comme une autorité régulatrice et répressive. Et c'est pourquoi il serait important que le Sénat se penche aussi sur le financement de ces parcs nationaux dans le cadre de ce collectif budgétaire pour dire que certaines communes qui sont dans le rayonnement de parcs nationaux pourraient bénéficier, ou ces parcs nationaux pourraient bénéficier de financements complémentaires. Je sais que la dotation globale de fonctionnement est abondée dans ce sens par le législateur, mais il faudrait que cet argent-là aille directement aussi dans les budgets des parcs nationaux qui, en ce moment, sont en train de souffrir d'une perte de 40% de leur budget de fonctionnement depuis plusieurs années. Donc voilà des dispositions claires qui pourraient accompagner les collectivités et qui verraient le rôle du Sénat se renforcer auprès de ces collectivités, qu'elles soient d'outre-mer ou qu'elles soient de l'Hexagone, pour mettre en place une véritable politique régionale cohérente en faveur de la biodiversité. Un exemple, le Parc national de la Guadeloupe intervient sur ce qu'on appelle le génie écologique pour renforcer les berges des rivières. Jusqu'à maintenant, on avait procédé à des enrochements, à de l'artificialisation. Maintenant, on trouve des solutions fondées sur la nature, comme ce génie écologique qui est mis en place par le Parc national de la Guadeloupe et qui coûte beaucoup moins cher que d'aller faire des enrochements au niveau des rivières. Alors, je voudrais juste signaler le rôle, et ce sera débattu un peu plus tard, des agences régionales pour la biodiversité, et dire l'espoir que nous mettons avec le travail qui est fait avec l'Agence française pour la biodiversité pour la mise en place de cette agence régionale pour la biodiversité. La ministre, tout à l'heure, a parlé des grands cycles de l'eau. Avec l'Agence régionale pour la biodiversité, sur un territoire de 1600 km² comme celui de la Guadeloupe, on pourra parler des petits cycles de l'eau. Là aussi, cela a son importance parce que c'est aussi une manière d'aborder au plus près des territoires, de mieux agir pour la biodiversité. Donc, on attend beaucoup de cette agence régionale pour la biodiversité en coordination avec la région Guadeloupe et l'Agence française pour la biodiversité, pour nous accompagner, pour nous aider à ramener de l'équité écologique. Oui, de l'équité écologique, en œuvrant pour que des moyens définis pour la biodiversité en Guadeloupe ou en Outre-mer soient en corrélation avec les superficies terrestres et maritimes que nous avons en charge. À charge, justement, pour le futur Office français pour la biodiversité, d'épouser, justement, ces orientations qui ont été prises jusqu'à maintenant par l'Agence française pour la biodiversité. Alors, attention, ces entités que nous créons dans les régions ou au niveau des territoires ne doivent pas être uniquement des entités administratives. Je ne voudrais pas que l'Office français pour la biodiversité, ne joue qu'un rôle administratif. Il faut que ce soit aussi un organe politique dans sa gouvernance. Et Christophe Aubel, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup sur cet aspect-là, nous le présentons très bien au niveau du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, les Outre-mer peuvent, à mon sens, sauver ces 80% de la biodiversité nationale, à condition que les collectivités territoriales soient pleinement accompagnées par l'État et les établissements publics dédiés à la préservation de l'environnement. Notre rôle, décideurs que nous sommes, n'est pas d'empiler les organismes de préservation ou de lutte pour la défense de la biodiversité, mais de définir le rôle et le champ d'intervention de chacun. L'Outre-mer est la confluence, justement, de tout ce qui fait que la biodiversité risque de disparaître. J'allais dire même dans mon discours « va disparaître », mais je préfère rester positif en disant « risque de disparaître ». Et pour sauver cette biodiversité française, cette biodiversité nationale, nous devons collectivement commencer par nous sauver de nous-mêmes. Parce qu'après tout, l'homme fait partie de cette diversité biologique. Et c'est au Sénat où nous sommes aujourd'hui, garant des collectivités, de décider, monsieur le sénateur, des moyens budgétaires à mettre à la disposition de ces collectivités pour la reconquête de la biodiversité nationale. Merci de votre attention. Merci. Alors, je vous propose de noter les questions, réactions, compléments que ne manqueront pas de susciter les interventions de Laetitia Cour et de Ferdi Louisi. Nous prendrons un temps d'échange à l'issue des présentations de nos différents intervenants. Avec Pierre Louot, maire de Chédigny et sénateur d'Indre-et-Loire, j'aimerais qu'on aborde la question de la conciliation entre différents acteurs d'un enjeu très concret autour d'une espèce emblématique. Et puis, vous nous compléterez, j'en suis certain, sur ce que vous faites dans une petite commune pour la nature, en lien y compris avec l'attractivité de votre territoire. Eh bien, merci, monsieur le sénateur, cher Guillaume, monsieur le directeur. Je viens juste témoigner. D'abord, je suis agriculteur. Je n'ai pas été toute ma vie sénateur. Ça fait que 3 ans. Par contre, j'ai été maire pendant 40 ans, président de communauté de communes pendant 20 ans. Et j'ai eu l'occasion de tester une méthode sur le volontariat des hommes et des femmes pour un meilleur environnement. L'expérience que je vous présente concerne la préservation de l'outarde canepétière, qui est un oiseau emblématique qui peuplait les plaines céréalières, qui est en voie de disparition réellement, sauf dans le pays de Croix, et où il y avait eu une approche qui n'était pas très pragmatique. La France était sur le point d'être condamnée parce qu'elle ne mettait pas en place des zones de protection Natura 2000, et par empressement, et les associations environnementales et le préfet avaient 2 reprises essayé de créer une zone Natura 2000, un peu au forceps et un peu de manière imposée. Ce qui avait provoqué des réactions presque violentes d'un certain nombre d'agriculteurs et qui n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, en 2000, dans les années 2005-2007, j'ai eu à proposer de reprendre différemment, tout en ayant les mêmes objectifs, l'outarde canepétière et puis un certain nombre d'autres oiseaux, tels que la pie-grièche, le nigdem criard, le busard cendré, et ainsi de suite. Et cette méthode, c'était tout simplement d'arriver à faire que les différents partenaires d'un territoire s'entendent. Donc il a fallu rassembler les associations environnementales, la LPO, les chasseurs, les agriculteurs, la chambre d'agriculture, la DDA, des partenaires qui ne se parlaient plus et qui n'avaient pas trop, qui avaient chacun leur vérité et qu'ils voulaient l'imposer à l'autre. C'était une période particulièrement intéressante qui a duré 2 ans pratiquement, où la communauté de communes dont j'étais président a accepté de porter le défi et de porter cet enjeu. La communauté de communes a nommé et financé un médiateur qui avait de vraies connaissances sur la biodiversité, mais aussi sur l'agriculture. Et au bout de 2 ans, il y a eu un véritable résultat, c'est-à-dire que l'ensemble de ses partenaires ont réussi à se comprendre, ont créé un véritable document, un véritable DOCOB, qu'ils ont proposé à la DDA. La DDA avait été aussi associée à cette démarche, mais un DOCOB qui était un peu en contradiction avec ce que proposait le ministère de l'Agriculture. C'était l'époque où on proposait des briques, on choisissait des briques, elles devaient s'empiler et ça devait marcher pour toute la France. On s'apercevait que cela ne serait pas efficace. Et on a réussi à faire une véritable proposition au ministère de l'Agriculture. On a dû remonter à Bruxelles pour le faire accepter définitivement. Et finalement, à cette époque-là, l'État proposait que des collectivités, jusqu'à cette époque-là, c'était l'État qui était maître d'ouvrage et responsable de la mise en place des sites Natura 2000. On a saisi l'opportunité que l'État nous délègue cette compétence pour gérer le territoire Natura 2000. Je crois que ça a été une vraie réussite, d'abord parce que, je vous ai dit, tous ces partenaires qui avaient l'habitude de s'opposer ont bâti ensemble un véritable projet, et que très rapidement, les résultats ont été là. Même avant d'avoir signé le projet, un certain nombre d'agriculteurs s'étaient engagés sur des mesures de biodiversité avec les fonds européens. Et on s'est aperçu très rapidement que, en 7 ou 8 ans, le nombre de malchanteurs avait doublé, le nombre de rassemblements d'oiseaux avait aussi pratiquement doublé en une dizaine d'années, et que le résultat était là. Et finalement, moi, ce que je retiens, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, on est encore aujourd'hui dans l'opposition de certains qui ont le savoir, d'autres qui croient l'avoir, avec un certain nombre de bêtises qu'on raconte partout, et que chacun, pour, si on veut sauver la biodiversité, chacun a un savoir, chacun a des capacités à bouleverser les choses, et je crois véritablement ça a été... C'est encore aujourd'hui la réussite, puisque bien sûr, ce site Natura 2000 s'exerce toujours. Vous savez, aujourd'hui, même des associations environnementales arrivent à proposer aux agriculteurs des assouplissements dans leurs méthodes de gestion. Mais on s'aperçoit qu'il y a souvent des réglementations. Ces zones qui sont en jachère, on les appelle jachère ou tarte canepetière, qui ne sont plus cultivées depuis une douzaine d'années, certains voudraient les reconvertir en agriculture biologique. Mais on leur dit non, il faut 5 ans de purge ou 3 ans de purge. Pour. Ce sont des terres qui n'ont reçu aucun traitement, aucun travail du sol pendant 10 ans. Et on n'arrive pas à passer ce tournant. D'autres agriculteurs sont prêts, sans entrer complètement dans l'agriculture biologique, en disant on va continuer à ne pas mettre aucun pesticide, mais on va revenir à un petit parcellaire, on va essayer d'implanter des cultures diversifiées, de l'orge, de la moutarde, un certain nombre de plantes qui sont favorables à la biodiversité. Et l'excès de réglementation, à un moment, empêche une dynamique locale. Donc, c'est un peu la limite des choses. Par la même méthode, on a réussi également, je ne l'ai pas dit, mais sur la communauté de communes, à mettre en place un espace naturel sensible sur 170 hectares de zones humides, de prairies. Encore une fois, là aussi, avec les agriculteurs, avec les propriétaires forestiers, et au bout de 12 ans, sans contrainte, il y a eu transfert, on est à 75% de transfert des propriétés à la communauté de communes. Les peuplerets sont en train de disparaître, des boisements naturels de vallée se mettent en place, des roselerets sont plus belles que jamais, et les agriculteurs font de la gestion d'un espace humide dans des règles qui ont été fixées communément avec les associations environnementales, avec un suivi très important. Donc, dernière expérience, et j'en aurai terminé, je vous ai dit, j'ai été maire, je ne suis plus maire depuis quelques années, ça a été dans le village de redonner toute la place au végétal. Voilà une photo du village, bon, là c'est la période pleine floraison. On a cassé tous les trottoirs, on a redonné la rue aux habitants, c'était l'objectif au départ, et on a revégétalisé avec des plantes vivaces, avec des rosiers, avec des hydrangeas et ainsi de suite, tout le village. On a recréé un jardin de curé qui, lui, bien sûr, est conduit suivant les méthodes d'agriculture biologique, à la fois pour le verger, mais aussi pour le potager, l'ensemble des plantes. Et tout ceci, voilà une dizaine d'années. On a commencé bien avant les périodes sans pesticides. Et bien sûr, tout ceci se fait absolument sans pesticides pour préserver un environnement naturel. Et c'est fait avec une très forte, encore aujourd'hui, collaboration des habitants qui participent à la mise en place, à l'entretien, avec une aide forte quand même de la commune. Mais avec des gens... Enfin, c'est l'occasion de rassembler sur ces objectifs des gens de tous les milieux, des plus pauvres aux plus riches, des paysans aux écologistes convaincus. Tout le monde travaille ensemble, je crois, avec une certaine réussite. Donc, moi, ma conviction est qu'on dit chez nous, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. On n'arrivera pas à rétablir cette diversité dans la biodiversité, une approche de l'agriculture différente, sans convaincre tous ceux qui sont au milieu de ces espaces au quotidien. Aujourd'hui, voilà, moi je sens bien les agriculteurs avec l'agribashing qui n'en peuvent plus, parce que il disent ben, tous ceux qui veulent faire, ben, on leur donne nos terres, ils viendront faire, ils nous montreront. Non, il faut que les agriculteurs s'approprient toutes ces nouvelles méthodes, y compris de l'agriculture, qui doit complètement évoluer et qui doit se révolutionner. Mais ça ne se fera pas en mettant au pilori tous les paysans de France tous les jours. Je crois qu'au contraire, ça se fera avec leur collaboration et au moins avec tous ceux qui sont convaincus. Commençons par ceux qui sont convaincus et les autres, ben, derrière, viennent progressivement ou capitulent devant leur ignorance. Voilà, c'était tout simplement le message que je voulais porter. Merci beaucoup. Alors, Patrick Barbier, vous êtes maire de Muttersols, capitale française de la biodiversité 2017. Comment on fait ? Bien, je vous propose de continuer à voyager. Je trouve que l'après-midi très, très sympa. Là, on passe d'un territoire à l'autre. Alors là, je vous donne rendez-vous à la gare de l'Est. On prend le TGV pendant 2h07 exactement. J'ai regardé mon billet de train là tout à l'heure. Je suis à 21h à la maison. Donc, bon, c'est une destination un peu moins exotique que la Guadeloupe ou la Guyane. Hein, je suis d'accord. En tout cas, c'est un honneur pour le maire d'une toute petite commune, d'un village, hein, clairement. 2000 habitants dans la plaine d'Alsace, c'est presque un petit village. C'est surtout un plaisir de témoigner. Mon témoignage sera pas mal en écho des propos introductifs du sénateur, du ministre, du directeur et du scientifique. Je vais vous raconter l'histoire, effectivement, donc, d'un petit village qui est devenu capitale française de la biodiversité en 2017. J'insiste sur capitale toute catégorie, parce que quand on a passé le cap des 2000 habitants, je connaissais, Gilles m'avait déjà parlé du concours, mais on n'avait pas 2000 habitants, donc on ne pouvait pas y participer. Et donc, quand on a passé le cap, on a rempli le dossier. J'avais un petit espoir d'être bien classé dans la première strate, hein, 2000-10 000, et donc on est passé devant toutes les grandes villes. Et pour l'instant, on est le seul village, puisque, non, je crois qu'il ne faut pas le dire, tu me l'as dit, confidentiel. Non, pardon, mais donc il y avait Strasbourg, par exemple. Vous voyez sur la carte, on est au sud de Strasbourg, qui avait gagné en 2014. Et d'ailleurs, en 2017, Strasbourg était première grande ville. Et donc là, on avait une fierté supplémentaire d'être passé devant Strasbourg. Alors, bien sûr, la grande question, c'est le pourquoi et le comment. On va passer à la diapo suivante. Je ne sais pas si vous connaissez la plaine d'Alsace, c'est là où on fait les meilleurs rendements européens, voire mondiaux, de maïs en termes de rendement à l'hectare. Alors vous voyez, la photo que vous voyez, là vous ne voyez pas de maïs, c'est des prairies. On a une petite oasis au sein de la plaine rhénane. Et donc, comment on est arrivé à maintenir et à reconquérir tout ça? C'est parce qu'on a une stratégie, vous la voyez, elle est déclinée en trois axes: protéger, valoriser, reconquérir. Et avec une conviction forte, c'est que économie, écologie, regardez bien, il y a deux lettres de différence, hein, c'est la même étymologie. L'économie, c'est la gestion de la maison, l'écologie, c'est la science de la maison. Pour moi, c'est le court terme et le long terme. Le court terme, c'est l'économie, c'est comment on mange, comment on habite, comment on travaille, comment on se déplace, comment on se cultive, comment on éduque nos enfants à court terme. Et l'écologie, c'est la même chose à long terme. Et je pense que tous les responsables territoriaux, toutes les personnes qui s'occupent de gestion politique ont à tenir les deux bouts. Donc je vais essayer de vous décliner rapidement la stratégie. Tu peux passer la diapo suivante. Donc la protection, ça c'est pas le volet plus important chez nous. On n'a ni réserve naturelle, ni arrêté de protection de biotope. On a des inventaires, bien sûr, on est à peu près dans tous les inventaires européens. On est classé en Natura 2000, directive oiseaux, directive habitat, mais c'est pas une vraie protection réglementaire. Alors, on a une toute petite réserve communale forestière de quelques hectares. On a une stratégie d'acquisition foncière. Alors, elle n'émane pas de la commune, et vous verrez, beaucoup de choses n'émanent pas de la commune. elle émane du Conservatoire des sites alsaciens, comme il en existe dans toutes les régions. Il y a une trentaine d'hectares qui sont protégés depuis une trentaine d'années grâce au Conservatoire des sites. Lors du remembrement, on a aussi essayé d'appliquer une politique de maîtrise foncière. Vous voyez la bande herbacée le long d'une ripisylve à droite. Et de l'autre côté, vous avez le maïs. Avant les obligations réglementaires, tous nos cours d'eau, on a une trentaine de kilomètres de cours d'eau, à la fois des eaux de surface et des eaux souterraines. On a des rivières phréatiques. Voilà. Tu peux un petit clic pour aller plus loin. Un gros effort en termes de fréquentation des milieux. Nos milieux ne sont pas mis sous cloche. Il y a une forte fréquentation dont je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc des panneaux qui, à l'entrée de tous les chemins, qui expliquent pourquoi faut pas laisser courir son chien dans les prairies. On n'explique pas qu'il ne faut pas prendre son quad pour labourer les prairies, ça évidemment, mais ça existe, hein, vous pouvez l'imaginer. Et cerise sur le gâteau, je vais m'arrêter un tout petit peu là. Nous avons adhéré en 2014, lors du début de ce mandat, à la Brigade verte du Haut-Rhin. C'est un syndicat mixte de gardes champêtres intercommunaux. Alors, c'est unique en France, c'est le département du Haut-Rhin qui a créé ça il y a exactement 30 ans. Aujourd'hui, c'est 65 gardes champêtres intercommunaux. Donc, ma commune, on a adhéré en 2014, première commune de l'autre département à avoir adhéré à ce... Moi, j'avais fait un premier mandat sans la Brigade verte. Je termine un deuxième mandat avec la Brigade verte. Je peux vous dire que ça change la vie d'un maire. Je crois qu'il y a pas mal de collègues dans la salle. J'ai une pensée pour notre collègue qui a été tué cet été dans une situation qu'on connaît tous. Moi, j'ai connu des situations comme ça dans mon premier mandat, assez tendu, où première réaction de l'interpellé, c'est qu'est-ce qui me prouve que vous êtes maire, hein, bien sûr, parce que j'ai pas d'uniforme, j'ai pas forcément ma carte sur moi. Je peux vous dire que ça met de bonne humeur, hein, ce genre de... Il faut savoir garder son calme dans ces cas-là. Depuis que j'ai la Brigade verte, bien sûr, je prends mon portable, je leur téléphone, ils sont là, en général, très rapidement, et à partir de là, il n'y a plus trop de questions. Hein, voilà. Ceci dit, on met très peu de PV, on est beaucoup sur la prévention. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez, je suis prêt à en reparler, parce que je pense que, juste un truc, imaginons 5 secondes, le code de la route sans la gendarmerie au bord de la route. Bah, la nature, c'est exactement cette situation-là. Il y a un tas de règlements, mais évidemment, on est en France, tout le monde est un peu borderline sur les règlements, et donc, voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Sur la valorisation. Alors, pas de mise sous cloche, clairement, c'est une volonté, c'est la volonté du long terme. Si vous mettez sous cloche, vous avez les générations suivantes qui ne voient plus l'intérêt de protéger. Donc, premier axe de valorisation, c'est l'éducation. On a la chance d'être la première commune en France à avoir bénéficié d'une maison de la nature il y a déjà presque 50 ans. C'est aussi une des plus grosses maisons de la nature, à peu près 25 salariés. Donc, un gros travail éducatif et à la fois en direction des enfants, mais aussi en direction des adultes, notamment dans le cadre de l'écotourisme. Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes, pas la peine d'en dire beaucoup plus. On peut passer à la valorisation économique. Donc, on a l'apparence de la ruralité. On a parlé un peu de ruralité aujourd'hui. Nous, on a l'apparence, on a le goût, on a la couleur de la ruralité, mais on n'est pas la ruralité. À 50 km de Strasbourg, on est des vrais urbains, les modes de vie à part les 5 exploitations agricoles qui restent, plus personne ne sont des ruraux. Mais ceci dit, on a des produits issus du terroir qu'on essaie de valoriser. Je vais juste m'arrêter peut-être un tout petit peu sur le jus de pomme. On a une belle ceinture de vergers, et quand en 2000 le remembrement a pointé son nez, on était très inquiets pour les vergers. Toutes les pommes pourrissaient au sol, hein, c'était une culture qui était une culture un peu relictuelle, et donc la façon d'essayer de les protéger, ça a été, là c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de réserve naturelle de vergers. On a lancé un atelier collectif de jus de pommes. Aujourd'hui, là, alors cette année, il n'y a pas beaucoup de pommes parce qu'il y a eu des gelées, mais l'année dernière, l'association, sur des bases complètement bénévoles, a fait 90 000 litres de jus de pomme. Le principe est simple, vous venez avec vos pommes, vous ressortez avec votre jus de pomme, vous cotisez juste une petite cotisation à l'association, et vous avez la fierté d'avoir votre propre jus de pomme. C'est vraiment de l'économie familiale. Vous verrez tout à l'heure dans les résultats, grâce à ça, on a fait revenir une espèce, je vous dis, essayez de deviner laquelle, vous verrez tout de suite. On peut passer à la diapo suivante. La reconquête, alors ça c'est le volet le plus, qui nous occupe le plus actuellement, du génie écologique. Vous voyez des mares, des restaurations de cours d'eau, des remises en état de prairie, des corridors écologiques dans la partie maïsicole. Hein, vous voyez la photo centrale, vous voyez un corridor qu'on a réussi à remettre en place grâce à un remembrement des terres, un travail sur l'urbanisme, sur le PLU, le zéro artificialisation des terres. Chez nous, c'est le cas. Le PLU, c'est un trait autour des dernières maisons. On ne s'étale plus, alors que notre village a triplé de surface depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a consommé deux fois plus d'espace bâti pendant deux générations, hein, Deuxième Guerre mondiale jusqu'ici, deux générations, que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. C'est impressionnant quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment que c'est un modèle qui n'est pas durable, parce que le problème, c'est que tous les autres villages de la plaine d'Alsace font pareil. Dans deux générations, si on continue à ce rythme-là, c'est une grande conurbation californienne. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on mange, hein. Voilà, je conclue. Alors, les résultats, voilà, ça tombe super bien. Les résultats, tu peux les montrer tous. Alors, je ne vais pas non plus tous les décrire. Vous avez deviné l'animal sauvé grâce à l'atelier de jus de pomme ? La chouette chevêche, ouais, elle est revenue. Les dernières opérations de chouette chevêche, on a beaucoup de naturalistes dans le village, c'était dans les années 60. Il y a 3 ans, j'ai eu le plaisir d'inaugurer le nouvel atelier de jus de pomme et on a pu annoncer qu'il y avait un couple qui était revenu. Alors, les scientifiques me disent qu'a priori, le réchauffement climatique là, joue un petit rôle, hein, mais elle ne serait pas revenue chez nous si on n'avait plus de vergers. Et s'il n'y avait pas eu l'atelier de jus de pomme, on n'aurait plus de vergers. Juste un petit truc aussi, je crois que c'est écrit, ouais, il est trop tard pour être pessimiste. Bon, bien sûr, moi, mon optimisme, c'est l'optimisme de la volonté, mais il y a quand même des fois, on a des surprises dont on n'avait même pas rêvé. Le retour du saumon, alors ce n'est pas ma commune tout seul, hein, bien sûr, hein, mais le saumon est de retour dans la plaine d'Alsace. Depuis qu'on a mis des passes à poissons sur tous les barrages, je suis admiratif pour le saumon, parce qu'il faut vraiment être un sportif de haut niveau pour remonter toutes ces... Mais il le fait, ils arrivent à le faire. Voilà, dernière, peut-être juste vous donner envie de venir nous voir. Je vous ai 2 heures de Paris, des visites guidées. Notamment, on accueille beaucoup les collègues pour essayer d'approfondir tout ce qu'on fait. Et bien sûr, la gastronomie alsacienne que vous connaissez tous. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage enthousiaste. Je confirme qu'il faut aller à Muttersols pour y compris faire du kayak, du canoë, du vélo éventuellement participer à un atelier jus de pomme, comme il faut aller à Saint-Aubin-du-Cormier où j'ai eu le plaisir d'aller cette année. Et puis il faut aller à Goyave, je viens, j'arrive, voilà. Sans compter bien évidemment admirer les rues de chez Digny. Caroline Gutleben, vous êtes directrice de Plantes et Cités, le centre d'ingénierie sur la nature en ville. Comment on s'engage, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, ensuite ? Très bien. Alors, en premier lieu, je voudrais remercier évidemment l'AFB, son directeur Sébastien Flores pour leur invitation et puis le sénateur Chevrolier pour la tenue de cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi agir ? Ça a été évidemment évoqué par Luc Abadi et il nous a clairement expliqué les raisons. Donc, on va passer tout de suite à comment. Donc, comment plus précisément les collectivités peuvent agir ? Alors, des pistes ont été formulées, bien exposées dans les interventions précédentes. Et il est vrai en fait que le besoin de mutualisation, de mutualiser les expériences réussies des collectivités qui agissent pour et avec la biodiversité est important. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'opération Capitale française de la biodiversité a été initiée il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans le cadre d'un programme européen, un programme LIFE, à l'initiative de Nature Paris devenue ARB Île-de-France. Alors sur la diapositive suivante, du coup, hop, on switch deux diapos, je vais aller encore plus vite. Merci. Alors, donc cette opération, elle est soutenue par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires, l'Agence française pour la biodiversité. le Centre technique Plante-Cité, le CEREMA, la RB Île-de-France, et puis une trentaine de partenaires qu'il aurait été plus compliqué de tous nommer ici, ONG, institutions scientifiques, représentants des collectivités territoriales. Et en un peu plus d'une dizaine d'années, en fait, cette opération qui s'adresse à toutes les communes et intercommunalités françaises a permis, est devenu en fait un outil assez puissant pour identifier, valoriser et partager les réalisations exemplaires des collectivités. Donc chaque année, les collectivités peuvent candidater sur différentes thématiques, présenter en fait des actions sur trois grands volets. Le premier volet, c'est la planification, l'aménagement, ensuite la gestion et le suivi, et la citoyenneté, sur lequel il y a énormément de leviers d'action. Au total, depuis ces 10 dernières années, donc, ce sont plus d'une centaine de solutions et d'initiatives éprouvées qui ont ainsi donc été valorisées pour constituer une source d'inspiration, et on sait que c'est très important, et de retour d'expérience. Toutes ces initiatives, elles nous enseignent que, et notamment donc celles qui sont distinguées dans le cadre des capitales françaises pour la biodiversité, mais d'autres aussi, elles nous enseignent sur le fait qu'elles peuvent constituer une sorte de trait d'union entre différents enjeux. Alors, premier enjeu, première idée, les solutions mises en œuvre par les collectivités territoriales, et notamment donc les solutions fondées sur la nature, peuvent permettre d'anticiper les vulnérabilités, en tout cas d'y faire face. À l'échelle de la planification, c'est l'exemple du plan canopée de la métropole de Lyon pour préparer le territoire aux effets des changements climatiques. En milieu insulaire, c'est l'exemple des actions mises en œuvre par la commune de Mornalo en Guadeloupe pour préserver son littoral en reculant les espaces de stationnement, en maintenant aussi des usages importants sur ces espaces récréatifs et en replantant des palétuviers pour prévenir l'érosion du rivage. C'est l'exemple que vous voyez ici à la plage de Babin. Ensuite, deuxième idée, c'est que ces solutions permettent de remettre de la vie. Alors, sur la photo que vous avez à gauche, c'est l'exemple du cimetière naturel du Souchet à Niort, mais on peut aussi citer l'exemple de la ville de Versailles, dont je salue la directrice du service Espaces Verts et son élue, Cathy Bias-Morin et Magali Ordas, ville pionnière du zéro phyto, et c'était le cas aussi sur ce cimetière naturel du Souchet, où il y a eu un très fort travail d'enherbement, de végétalisation, de déminéralisation de ces espaces plutôt minéraux habituellement, de réutilisation aussi des matériaux, c'est ce qu'on voit ici, qui en font donc un espace vert perméable et support de vie. Alors, un cimetière vivant, c'est un bel oxymore, mais c'est surtout une réalité à Niort et bien sûr dans d'autres collectivités. Il y a aussi d'autres espaces qui sont traditionnellement très minéralisés, c'est les cours d'école. Donc, deux exemples ici, les cours d'école Oasis qui se développent à Paris et dans d'autres départements, dans d'autres villes, et puis l'éco-école de la Saïda ou le groupe scolaire Olivier de Serres à Paris qui comprend des espaces végétalisés, support d'activités pédagogiques avec les enfants. Ensuite, troisième idée, les solutions mises en œuvre peuvent être frugales. Il ne faut pas s'effrayer sur l'idée que la performance des solutions fondées sur la nature dépend forcément du niveau d'ingénierie et du coût qu'on y mettrait. Alors évidemment, il ne faut pas non plus faire l'illusion que c'est toujours facile à mettre en place et toujours moins cher. Il y a des compromis à faire. S'agissant par exemple de la végétalisation verticale, qui a un effet de régulation sur les ambiances thermiques, on le sait, l'implantation du végétal depuis le sol peut être une solution plus pérenne, plus durable et parfois même plus efficace que des systèmes hors sol accrochés au mur. De même, l'ouverture d'une rivière urbaine, ici à Sarcelles, et la végétalisation extensive des berges a permis d'offrir un autre cadre de vie aux habitants des quartiers environnants et puis a créé aussi de nouveaux habitats pour une faune et une flore spontanée avec des moyens somme toute frugaux. Ensuite, la quatrième idée, c'est que les solutions mises en œuvre doivent laisser de la place à l'expérimentation, parce qu'on ne sait pas toujours à l'avance ce qui va fonctionner et comment ces solutions vont vivre dans le temps. Alors, l'exemple que vous avez à gauche, ici, c'est l'opération Strasbourg ça pousse, qui, depuis une dizaine d'années, donc, a permis d'expérimenter des solutions de déminéralisation et de végétalisation des portions de voiries piétonnes non utilisées, qui a permis de créer des petits habitats, des petits îlots de fraîcheur, et puis qui a offert des lieux de rencontre entre riverains par la pratique partagée de jardinage. Ce qu'on voit sur la photo de droite, c'est l'école Aimé Césaire à Nantes qui, elle, expérimente un type de toiture en gestion très extensive avec un travail sur les communautés végétales qui est suivi. Quatrième idée, c'est le sujet de la santé, qui est un enjeu majeur à investir. Il y a bien sûr de nombreux leviers d'action. En fait, c'est l'idée et la perspective qu'on peut, à l'occasion ou à la faveur de chaque opération d'aménagement, rechercher des co-bénéfices en santé. Alors, en premier lieu, on pense à la régulation des ambiances urbaines et puis à la réduction des risques d'exposition de l'homme aux conditions qui lui sont préjudiciables par la création des îlots de fraîcheur. Mais il y a aussi un autre aspect de la santé qui est important, c'est tout ce qui a trait à la santé physique, la santé psychologique et le lien social. Et ce sont des composantes de la santé qui sont essentielles. On sait que les solutions fondées sur la nature peuvent jouer un rôle important. C'est le travail, par exemple, sur les mobilités douces, pour encourager la marche, les pratiques et les activités sportives. Certains sont amusés aussi à traduire ça, à monétiser ça en termes d'économie pour la sécurité sociale. C'est notamment un travail qui a été fait au Royaume-Uni. Et puis, ça peut être aussi la création d'espaces pour favoriser les rencontres, le lien social, avec tout un ensemble de détails qui comptent pour faire que les gens s'approprient les lieux. Alors, venons-en à l'édition du palmarès 2019 qui a failli être dévoilée tout à l'heure. On peut le dire puisqu'il est connu depuis maintenant quelques jours. Édition qui portait sur le thème climat, la nature, source de solutions et qui a donc identifié ses lauréats, la métropole de Lyon, qui est donc capitale française de la biodiversité, toutes catégories confondues, pour son travail sur la planification urbaine qui prévoit et prépare l'augmentation des surfaces ombragées par les arbres. Et puis un travail très important sur la désimperméabilisation et le stockage des eaux de pluie pour maintenir la capacité des arbres à évapotranspirer, à climatiser la ville. C'est la ville de Metz, dont je salue l'élu, Madame Marilyn Molinet, qui est ici présente, pour son travail, donc élue meilleure grande ville, pour son travail sur le patrimoine arboré et puis ses projections à 2050 et cette préparation dans cette perspective-là, et la restauration écologique de la Seille, une rivière urbaine artificialisée et polluée qui a permis de créer un espace de biodiversité pour les habitants et qui a contribué à réduire le risque d'inondation. C'est la petite ville de Saint-Lunaire, donc, qui est capitale des petites villes, pour son travail pour une transition rapide vers des pratiques plus respectueuses de la nature, zéro pesticide, réduction de l'éclairage public, ABC, régénération forestière naturelle, tout y est ou presque. Et puis, c'est un travail de fond important sur la gestion frugale des espaces littoraux et restro-littoraux. Et c'est une approche que nous avons jugée exemplaire dans un contexte balnéaire. Pour les intercommunautés, c'est Maubeuge-Val-de-Sambre pour son travail sur la trame verte et bleue, la renaturation de friches industrielles et la lutte contre l'érosion des sols en milieu agricole. Et puis, nous avons décerné un prix coup de cœur pour Saint-Paul de la Réunion, pour qui les effets du changement climatique sont d'ores et déjà bien réels et qui met en œuvre des actions pour lutter contre l'érosion littorale, réduire les pollutions dans le lagon par la création expérimentale d'une submangrove et pour inciter les habitants à s'approprier les espaces de savane, qui est un écosystème pastoral en pleine mutation. Alors, pour terminer, 2020, qu'est-ce qui nous attend? C'est une année de valorisation, des partenaires de l'opération, et ils sont nombreux, et des territoires lauréats, avec des événements en région, ateliers, visites, séminaires thématiques. Nous avons fait un appel à bonne volonté de ceux qui souhaiteraient accueillir ces événements, et il est encore ouvert. Et puis, ce sera la préparation d'outils de valorisation des quelques 10 années du concours, avec des perspectives de recueil et d'outils vidéo, que nous valoriserons sur les sites internet Capital Biodiversité, Nature en Ville et d'autres, et dans la perspective de faire rayonner la démarche et les territoires lauréats international, avec en point de mire le Congrès mondial de la nature en juin 2020 à Marseille. Et puis nous préparons aussi la nouvelle édition du concours dont la thématique n'est pas encore déterminée. Et pour cela, nous vous donnons rendez-vous le 1er septembre 2020. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, il me reste à demander à Olivia de Malville de nous... Ah, pardon, excusez-moi, je vais trop vite, bien évidemment. Pour compléter sur cette partie capitale française de la biodiversité, dont vous avez compris qu'il salue les réalisations des collectivités, bien évidemment, ça s'articule avec l'opération territoire engagé pour la nature, porté par notamment l'Agence française pour la biodiversité, qui, elle, s'attache à la notion de projet de territoire. Et j'ai un petit film à vous projeter qui va tout vous apprendre si vous ne le connaissez pas déjà sur ce sujet. Les premiers territoires engagés pour la nature ont été dévoilés à l'occasion de la 9e édition des Assises nationales de la biodiversité. Au total, 65 communes, intercommunalités et syndicats qui étaient candidats ont obtenu une reconnaissance au titre de l'initiative. Territoire engagé pour la nature, c'est une initiative nationale qui est portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire avec Régions de France. Elle est appuyée par l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau, ça c'est au niveau national, mais surtout elle est déployée en région. Et en région, elle est portée par un collectif régional. L'idée de Territoire engagé pour la nature, c'est de mobiliser un maximum de collectivités. C'est ça que nous nous sommes dit, 36 000 communes en France, comment y arriver? On ne peut pas toujours compter que sur des champions, l'idée c'est de donner une possibilité pour la commune qui a envie de progresser sur la biodiversité, de faire un premier pas et de l'appuyer et de reconnaître cet engagement. Candidatées, les collectivités ont dû définir un programme d'action en faveur de la biodiversité sur plusieurs années. Leur dossier a ensuite été analysé par un jury régional. Le rôle des ARB, c'est vraiment de dire, ok, vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas exactement comment faire ou vous avez peur de mal faire. Nous, on va vous mettre en lien et avec les acteurs du territoire, les associations, le monde de la recherche, le monde des entreprises aussi qui interviennent sur votre territoire et on va faire en sorte que cette dynamique, elle se mette en route. Moi, je crois que ce qui est motivant pour les collectivités, c'est à la fois la reconnaissance que ça génère et puis l'annonce d'un accompagnement. C'est vraiment tout l'enjeu parce que pendant trop longtemps, ces questions de biodiversité ont été vraiment le fait de spécialistes. C'est des plans d'action qui peuvent être sur différentes thématiques. Ça peut être de la mobilisation citoyenne, ça peut être des communes qui partent sur des atlas de la biodiversité communale, pourquoi pas de verdir des cours d'école. Tout ce qu'une commune peut faire pour la biodiversité au bénéfice de ses habitants, c'est ça que nous attendons. Qu'elle soit urbaine ou rurale, déjà initiée ou débutante en matière de biodiversité, toutes les communes, intercommunalités et syndicats peuvent s'engager. Champlain à 17 km de Paris, en gros dans les années 65-70, il y a eu vraiment un grand Big Bang, notamment l'échangeur A6, A10, qui a complètement ceinturé la commune sur 3 des 4 côtés. Donc l'idée c'était de recoudre le territoire, essayer de planter des arbres partout pour cacher l'effet tranché des routes, l'effet tranché des voies ferrées et pour réintroduire ce qu'on appelle les essences indigènes locales au niveau des végétaux, les arbres, les arbustes de la région Île-de-France. Dans le cadre de la protection de la biodiversité, on travaille en collaboration avec les agriculteurs pour qu'ils arrivent à travailler autrement leurs champs. Mais comme on est aussi dans le combat pour l'adaptation au changement climatique, on a fait une étude et on travaille sur la réhabilitation des mares, de ce qu'on appelle des mares, pour garder l'eau. Toutes les communes de chez nous ont un littoral. Souvent, on mettait des anciennes décharges au bord de la mer et c'était à proximité d'une mangrove. Donc, on a fermé les anciennes décharges pour que la mangrove reprenne sa place, pour protéger d'ailleurs la population, le littoral contre les raz de marée éventuels en cas de cyclone, etc. L'initiative Territoire engagé pour la nature est ouverte actuellement dans 6 régions et sera déployée dans 9 autres régions dans les prochains mois. Son ambition, avoir près de 1000 collectivités reconnues d'ici 2022. Voilà. Bravo et merci à toutes les collègues des agences régionales de la biodiversité qui ont fait ce travail ou qui sont en train de le faire. Je vois évidemment les collègues de l'agence régionale de la région Centre-Val-de-Loire, mais je salue mes collègues de l'ARB Île-de-France aussi notamment. Olivia de Malville, justement, donc j'en arrive à ce que j'ai failli rater. Je m'en sors à peu près correctement. Un mot sur l'engagement des régions. Donc vous êtes chargé de mission pour l'association Régions de France. Dites-nous quel est l'état de la mobilisation aujourd'hui. Merci. Avant de vous répondre, d'abord, Régions de France souhaite remercier sincèrement le sénateur Chevrolier pour cette initiative, car les régions partagent cette vision que la biodiversité, ça passe d'abord et avant tout par les territoires. Ce sont les territoires qui ont les solutions. Et nous pensons dans les régions que les politiques de biodiversité, ça marche. Ça marche, ce n'est pas... On a souvent une approche un peu angoissée. Et on essaie aujourd'hui d'avoir un discours positif sur des politiques publiques qui sont avant tout des projets de territoire. Merci également à l'Agence française pour la biodiversité, ainsi qu'au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je vois que la direction de l'eau est représentée, avec qui nous avons un partenariat ancien, fort et étroit sur les politiques de biodiversité. J'excuse Madame Mireille Benedetti, qui devait être là parmi vous aujourd'hui. Vous l'avez vu dans la vidéo sur les territoires engagés pour la nature, conseillère régionale Région Sud, qui pilote au sein de Régions de France les travaux sur la biodiversité. Je vous adresserai les messages que Madame Benedetti vous aurait portés aujourd'hui. Nous pensons que les régions sont légitimes à agir sur les politiques de biodiversité, non seulement parce qu'elles ont capacité à agir de par les missions et les compétences que la loi lui confie, puisque sous l'effet notamment de la loi NOTRe, elles se sont vues reconnaître un chef de file à biodiversité. Mais au-delà de ça, au-delà des initiatives ou de leur approche volontaire avec l'adoption de stratégies régionales de la biodiversité, les régions sont le bon échelon pour le décloisonnement, la mise en transversalité d'un certain nombre de politiques publiques dont elles ont la compétence, que ce soit les politiques d'aménagement, de développement économique, pour ne citer que ces exemples-là. Donc des régions résolument engagées pour la reconquête de la biodiversité et une place légitime des régions comme animatrice des politiques de biodiversité. Alors pour ce faire, elles ont déployé dans une logique partenariale des outils mutualisés de déploiement des politiques de biodiversité dans les territoires, que sont les agences régionales pour la biodiversité, qui sont véritablement des outils partenariaux État local, région, avec l'appui de l'Agence française pour la biodiversité. Vous avez la carte sous les yeux. Alors, nous, je disais plutôt la biodiversité, ça marche dans nos régions. La biodiversité dans la diversité, ça marche dans nos régions. D'ailleurs, tous les exemples qui ont été montrés précédemment montrent qu'il n'y a pas une solution, mais autant de solutions que de spécificités territoriales et d'enjeux de reconquête de la biodiversité. Donc, d'ici la fin de l'année, nous aurons 7 ARB formellement constitués. Il y en a déjà 5. Les deux prochaines qui rejoindront le lot sont la Normandie et la Bretagne. Voilà. Alors, dans d'autres régions, effectivement, vous voyez sur cette carte que ce n'est pas la formule de l'ARB qui a été retenue. Pour autant, effectivement, il y a une politique partenariale de biodiversité qui se déploie. L'ARB, c'est évidemment un outil partenarial de façon à développer, à partager une vision territoriale coordonnée qui ne procède pas d'une vision nationale qui viendrait se percuter à des stratégies ou des initiatives qui sont déjà déployées dans les territoires. Et donc, à ce titre, effectivement, on prend souvent cette politique de biodiversité comme un exemple, une politique vraiment co-construite entre les régions et l'État. Et je crois que c'est important de le souligner. Pour ce qui est des enjeux futurs, évidemment, il faudra concrétiser davantage ces politiques de biodiversité en les décloisonnant et en les mettant en transversalité avec nos autres politiques publiques, en définissant, en identifiant des moyens d'action, y compris des moyens financiers, comme ça a été dit plus tôt, et peut-être en allant jusqu'à l'expérimentation de pouvoirs réglementaires. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire, et le chantier des centralisations qui s'ouvrira après les municipales pourra effectivement être aussi un vecteur de propositions, de solutions nouvelles en matière de politique de biodiversité. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, on est navré, vous avez vu, il y avait énormément de choses à vous dire. Donc, évidemment, le temps a filé un peu, mais maintenant, on peut aussi vous permettre de réagir, de compléter avec vos propres expériences, vos propres pratiques ou questionner nos intervenants. Il suffit qu'il y en ait un ou une qui commence. Et pour ça, il faut appuyer sur le gros bouton rouge pour demander la parole. Votre micro s'allume. Je vous la donne. Alors, en haut, en revanche, je ne sais pas si vous avez des micros sur la tout en haut, non, hein, faut descendre. Allez-y. Et je vous demanderai de vous présenter et puis d'être concis. Oui, je vais me présenter. Patrick Camus, je suis adjoint au maire dans une petite commune bretonne du département du Morbihan. Je suis adjoint à l'environnement, au cadre de vie, à l'urbanisme. Vous n'allez pas être surpris que je vais vous parler d'un angle qui n'a pas été beaucoup évoqué, mais qui me paraît assez intéressant, car il y a eu un concours de circonstances assez fabuleux dans ma commune. C'est une commune de 2500 habitants, donc c'est quand même assez petit. La moitié dans le bourg, l'autre moitié dispersée dans la campagne. En 2014-2015, je vais être assez rapide, je ne vais pas vous raconter une longue histoire, mais on a lancé conjointement la révision du plan local d'urbanisme avec un diagnostic agricole qui n'avait jamais été fait sur la commune. Et puis, on est tombé dans l'ABC. Non, pas du tout par hasard, mais on s'était aperçu que dans le Morbihan, c'était une terre incognita. Personne n'avait jamais développé d'ABC dans le Morbihan. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en Bretagne Nord, on voit que ça s'est vraiment bien développé. Et ces exercices conjoints qu'on a donc menés de manière assez synchrone ont permis de mieux prendre en compte la biodiversité dans le PLU qu'on a approuvé en juillet 2019. Donc c'est tout récent. Alors, je voudrais juste vous donner quelques détails. Alors, ça va paraître peut-être un peu désagréable parce que c'est assez administratif, mais en fait, un ABC, ça peut servir beaucoup à bien d'autres choses que ce qu'on a pu voir, à faire des inventaires, certes, de l'animation, de mettre en place des programmes d'action qu'on peut d'ailleurs décliner à court, moyen et long terme. Peut-être qu'on aura, je lance la bouteille à la mer, peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Dans notre PLU, en fait, l'ABC, ça nous a servi à alimenter le rapport de présentation, c'est-à-dire le diagnostic, par le biais notamment justement des inventaires naturalistes, et d'identifier trois enjeux environnementaux prioritaires. Je ne vous les passe sous silence, ce n'est pas l'objet de vous détailler ce qu'on a fait. Je vous renvoie vers le site de la mairie, Plougoumelaine, ça ne peut être qu'en Bretagne, 4syllabes.bzh, ça ne peut être toujours qu'en Bretagne. Vous aurez tous les documents dans la rubrique environnement. Merci. Mais également dans biais du projet d'aménagement de développement durable qu'on appelle le PADD, donc qui est la réponse de la commune aux enjeux identifiés dans le rapport de présentation. Et puis, la traduction concrète d'un PADD, que tout le monde connaît pour ceux qui ont déjà vécu des PLU, des plans locaux d'urbanisme, ce sont en général les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. En général, ces OAP sont sectorielles. Elles permettent aujourd'hui notamment d'évoquer la densification dans les grandes dents creuses ou dans les secteurs urbanisés en extension. C'est le cas dans notre commune, puisqu'on est une commune du parc naturel régional Golfe du Morbihan et qu'on a une densité qui nous est imposée de 28 logements hectares, ce qui est assez fort. Donc on intègre ça, bien sûr, dans les OAP sectorielles. Mais l'originalité de notre commune, c'est qu'on s'est lancé dans une OAP thématique, c'est-à-dire de prendre en compte la biodiversité dans notre PLU. Alors, c'est en complément, bien sûr, des OAP sectorielles. On a fait le choix d'instaurer cette OAP thématique de préservation de la biodiversité. Alors, je ne vais pas vous la détailler, mais sachez que c'est quelque chose qui est un dispositif récent. Je suis obligé de vous arrêter, mais en tout cas, merci infiniment pour ce complément sur les documents d'urbanisme. Cet élément et dire que ça se traduit ensuite dans le règlement écrit et cartographique. Et on ira le voir et je vous invite à peut-être qu'on organise quelque chose sur l'urbanisme et la biodiversité dans le cadre de Capitale française de la biodiversité 2020. On sera ravis de venir chez vous, vous aider à organiser quelque chose pour les communes et intercommunalités du Morbihan. D'autres interventions sur des sujets complémentaires, éventuellement, allez-y, on va prendre trois interventions et vous permettre de réagir. Appuyez sur le bouton. Voilà. Bonjour, je m'appelle Clément Bourdins, je suis sans emploi et j'avais une question à poser. On a beaucoup parlé notamment de fragmentation des espaces naturels. Vous parliez, monsieur le maire de Mutterschlotz, d'une politique foncière importante, où vous, grâce à l'organisme dont je ne me rappelle plus le nom, vous avez pu acquérir des parcelles pour pouvoir en faire des milieux protégés. J'aurais voulu savoir si vous vous sentez aidé ou pas dans cette politique foncière, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. On parlait aussi d'espaces agricoles et de détérioration des sols, d'urbanisation des sols. On parlait de trames vertes. Est-ce que les communes ont vraiment les moyens d'acquérir des parcelles pour pouvoir et protéger une agriculture durable? On parlait d'agroécologie qui va permettre aussi de protéger la biodiversité. Et si des fois, vous n'avez pas l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues? J'ai relevé la phrase tout à l'heure qui disait que parfois l'excès de réglementation limite les actions locales. Est-ce que les politiques de subvention d'une agriculture plus conventionnelle ne sont pas un frein au développement d'une agriculture locale raisonnée qui préserve la biodiversité? Merci beaucoup. Une troisième intervention, questionnement ou... Allez-y. Oui. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphane Delavalade. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle Ortis, les responsables d'espace nature en ville, forte de 650 membres au niveau national. Et donc, nous sommes chargés, bien sûr, sous la responsabilité des élus, de préserver, de développer le patrimoine vert, notamment en milieu urbain et périurbain. Et en fait... J'ai une question parce qu'on nous pose souvent la question dans nos réunions et également avec nos élus. C'est l'apparente contradiction entre le fait de pouvoir reconstruire les villes sur elles-mêmes pour éviter justement l'étalement urbain, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et aussi le fait de développer des trames vertes et bleues, développer la diversité biologique en milieu urbain. Alors, en fait, voilà la question qu'on nous pose souvent, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Vous nous dites qu'il faut reconstruire la ville sur elle-même. Or, en même temps, vous nous dites qu'il faut développer des réservoirs et des corridors biologiques. C'est la quadrature du cercle. Alors, je voulais savoir si vous pouviez nous donner, vous qui êtes spécialiste de ces questions-là, qui travaillez sur ces questions depuis longtemps, des éléments de langage et des éléments aussi concrets pour justement permettre de répondre efficacement à nos élus qui s'interrogent. Merci d'avance. Merci beaucoup. On va commencer avec vous, Patrick Barbier, sur la politique foncière. Et puis, sentez-vous libre de compléter chacun d'entre vous, bien sûr. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce qu'il y a d'autres politiques contradictoires sur le foncier? Et puis peut-être un mot, mais très rapidement, oui, sur la traduction dans le PLU de la connaissance que vous accumulez. Donc, réponse à toutes les questions, c'est oui. Oui, on est aidé. Oui, il y a des freins. Oui, on est à contre-courant. Hein. J'ai récemment une image sur ces questions-là. C'est Pierre Calam qui disait c'est un peu comme si on court à contresens dans un TGV qui roule à 300 km/h. Vous voyez, on n'avance pas beaucoup. Certes, mais au niveau. Bon, quand on est maire d'une commune, J'ai été militant de protection de la nature. Voilà, je connais bien les questions que vous venez de... Mais quand on est maire, on se dit, on essaie de voir comment on peut avancer. Alors, l'outil foncier, c'est vraiment l'outil qu'on peut déployer. Ma commune, on est propriétaire de 300 hectares de terrains communaux. Mes prédécesseurs s'intéressaient uniquement à la somme de recettes en termes de taxes sur le foncier non bâti. Moi, quand je suis arrivé, j'ai déjà cherché à bien connaître les parcelles, à savoir qui en était le locataire, à faire des contrats écrits, éventuellement faire des contrats environnementaux. Bon, après, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose, hein, parce que le bail agricole, avec justesse, hein, protège les agriculteurs. C'est un bon outil qui sert à protéger une profession face à d'éventuelles spéculations et aux lubies qu'on pourrait tous avoir sur l'utilisation des terrains. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais ceci dit, quand on est propriétaire, on devrait aussi pouvoir dire... Alors nous, on a trouvé la clé. Ça s'appelle départ à la retraite. Sauf que l'habitude, c'est que dans l'esprit d'une grosse majorité d'agriculteurs, en tout cas sur ma commune, départ à la retraite, oui, déjà, c'est le plus tard possible. On peut les comprendre. Hein, ils n'ont pas des grosses retraites. Mais après, on transmet à ses enfants, complètement légitime si les enfants sont agriculteurs, hein, pérennité de l'exploitation, mais assez souvent, les enfants ne sont pas agriculteurs. Et pourtant, on transmet quand même. Je peux vous dire que c'est une pratique très courante. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui va exploiter ça, etc. Donc nous, on a mis... C'est clairement illégal. Nous, on a mis un terme à ça. On a récupéré beaucoup de parcelles comme ça et on a pris deux délibérations. Exonération de taxes foncières sur l'agriculture biologique. Ça n'a pas produit d'effet parce que ce n'est pas un gros enjeu. Deuxième délibération un peu plus tard. Priorité aux agriculteurs bio pour les redistributions de terres quand on en récupère. Ça, je peux vous dire que j'ai 5 agriculteurs à plein temps dans ma commune. J'en avais déjà 2 en bio. Quand on a pris cette délibération, il se trouvait qu'on avait justement libéré des terrains. Il y en a un troisième qui est automatiquement l'argument foncier pour un agriculteur. C'est majeur, hein, c'est l'outil de travail. Et là, on est en train de travailler. Je pense qu'on va être, il y a de fortes chances que dans les prochains mois, on sera à 4 sur 5 grâce à ça. C'est du souci du détail, du travail de longue haleine, mais on peut y arriver. Mais bien sûr qu'il y a des freins. Hein, il y a des, je ne vais pas vous détailler les freins, mais bien sûr qu'il y en a, quoi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut compléter sur peut-être les documents d'urbanisme et ou comment concilier densification urbaine et bien finalement trame verte et bleue urbaine dont on voit et dont on a vu qu'elle était indispensable, notamment à la qualité de vie des citadins. Est-ce que ça vous inspire les uns ou les autres ? Allez-y. Je peux compléter en parlant d'un certain nombre de fois, notamment lorsqu'on construit le plan local d'urbanisme. Et vous avez depuis le dérèglement climatique ce qu'on appelle les plans de prévention des risques naturels qui viennent justement contraindre vos capacités. Alors, je n'ai pas la même expérience que mon collègue concernant les acquisitions foncières pour des projets écologiques, puisque il faudrait que justement la loi soit au même niveau. Lorsqu'on essaie de faire des acquisitions de terrain pour éviter une urbanisation, on est condamné par le tribunal administratif. J'ai déjà eu deux procès. Et deux fois, on a été condamné parce qu'on a fait jouer le droit de préemption pour utiliser ces zones comme zone tampon, pour notamment pour la trame verte ou la trame bleue, parce qu'il y avait des ravines ou des zones humides. Donc, ce n'est pas toujours évident que ces outils que nous avons, par le biais d'établissements publics fonciers, on utilise beaucoup cet établissement public local mis en place par la région pour nous permettre de faire des acquisitions foncières. Mais on est souvent condamné par la justice parce qu'ils disent que c'est pas légal de faire des acquisitions pour la préservation de la biodiversité. Il faut définir des projets, ceci, cela, enfin, il faut de tas de délibérations. Et donc, du coup, on est condamné. Donc, on n'a pas toujours le choix. Et sur le plan de l'urbanisme, on est contraint terriblement parce qu'il y a une pression énorme en termes d'urbanisation. Je prends l'exemple de la Guadeloupe, de ma commune, qui est une commune littorale, où j'ai parlé tout à l'heure des problèmes de dérèglement climatique et de submersion au niveau des mers, on doit chercher l'intérieur des terres. Là, je suis en train de délocaliser une école qui est en littoral pour la mettre à l'intérieur des terres, mais ça veut dire qu'on sacrifie aussi des terres agricoles. Donc on se retrouve à ne pas avoir de terrain disponible pour pouvoir délocaliser les populations qui sont menacées sur le littoral par le dérèglement climatique, et en même temps, ces zones de littoral qui deviendront de plus en plus des zones salines, hein, puisque la mer pénètre, ne seront plus propices à un transfert de l'agriculture dans cette partie-là. Donc vous voyez, à ce niveau-là, comment ça se situe pour des îles. Et quand on nous parle de terre-mer, on est en plein dedans. Terre-mer, vraiment, on est en plein dedans. Et on ne sait pas quoi faire au niveau de notre plan local d'urbanisme pour répondre à cette problématique-là. Merci. L'un ou l'une d'entre vous, oui. Allez-y. Alors, je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur d'innover concernant la nature en ville, hein, notamment quand nous avons des obligations de densification pour préserver les terres agricoles et naturelles. Nous, dans notre cas, j'ai parlé du fleurissement de pied de mur. Aujourd'hui, on végétalise tout le centre-bourg en pied de mur, donc en pleine terre. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, dans tous les projets... effectivement de dents creuses ou de d'identification, on va dire, de logements, nous essayons effectivement de préserver au mieux la partie, notamment les arbres. Donc il faut savoir s'entourer aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de bureaux d'études ou d'architectes qui sont en capacité de proposer des choses qui prennent en compte la nature en ville. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de toutes les entreprises ou de tous les bureaux d'études, mais c'est de plus en plus, en tous les cas, une préoccupation de ces structures-là. Et je pense que Plantécité peut évoquer et abonder dans ce sens-là. Caroline Gutleben, merci de la parole. Oui, en effet, sur ces injonctions contradictoires en apparence, je pense qu'il y a plusieurs leviers d'action possibles et il n'y a pas une seule bonne réponse. Ça dépend vraiment des territoires, de leur vulnérabilité. Il y a évidemment tout le travail qui peut être fait sur la végétalisation interstitielle. Il y a aussi effectivement tout un travail sur la désimperméabilisation. C'est important. C'est aussi libérer, désimperméabiliser aux endroits où effectivement pour changer aussi des usages. Et puis après, permettre une végétation spontanée de s'implanter et la création d'habitat. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas... Aujourd'hui, je n'ai pas de référence pour dire à quelles conditions un grand espace espaces de nature seraient équivalents à 10 petits, par exemple. Je pense qu'il faut travailler sur les connectivités, les connexions. Ça, c'est un des éléments clés en fait, aussi pour le déplacement des espèces et les conditions de leur mobilité. Et puis, il y a aussi d'autres exemples à l'étranger, notamment sur des changements d'usage significatifs. Libérer de l'espace dans la ville, ça peut être aussi imaginer d'autres modes de mobilité. Des exemples à Barcelone qui ont consisté à faire que sur des quartiers intérieurs, les rues soient fermées pour véritablement transformer la voirie, libérer de l'espace pour les piétons et offrir plus de possibilités de végétalisation à l'intérieur de ces espaces-là. C'est aussi créer donner la possibilité de créer d'autres usages à l'intérieur. Et c'est aussi favoriser la rénovation des logements existants. Et on voit bien que là, on est dans d'autres politiques que la politique biodiversité, que pour protéger la nature, on a aussi besoin d'autres politiques. Et c'est ce qu'on verra dans la table ronde qui va suivre une courte pause. Je vous propose qu'on s'arrête une dizaine de minutes pour que vous puissiez vous relaxer et puis revenir très concentré pour notre panel de 5 intervenants, 5 élus. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous applaudissiez tous nos intervenants qui ont préparé tout leur temps. Merci beaucoup. Sur quelle commune ? Alors moi je suis lyonnais. Hein. Une grande commune ? Si vous voulez bien reprendre place. Est-ce qu'on peut me redonner du micro? Voilà. S'il vous plaît, si vous voulez bien reprendre place, merci. Merci de bien vouloir reprendre votre place. Bonjour. Enchanté. Alors, vous êtes la première, donc vous choisissez. Je vous propose d'être centrale. C'est ce que j'avais. Voilà, très bien. Je vous ai mis un petit verre d'eau pour que vous teniez dans cette chaleur. S'il vous plaît, je vais inviter notre panel à venir à la tribune. Daniel, voilà. Je vais inviter Michael Weber. Le voilà, bienvenue. Et Corinne Casanova à bien vouloir prendre place. Alors, évidemment, les choses les plus évidentes nous échappent toujours. L'ensemble des présentations qui ont pu vous être faites par nos intervenants seront mises à disposition sur la page du site web de l'Agence française pour la biodiversité. Ces interventions et débats sont filmés par les équipes du Sénat. Et puis, une journaliste va faire un travail de synthèse de l'ensemble de nos échanges de la journée. Donc, toute cette matière, vous allez pouvoir la retrouver, bien évidemment. Alors, nous nous retrouvons maintenant avec cinq élus représentants à la fois de réseaux très différents et de territoires pour aborder en 45 minutes, on va essayer de tenir notre temps, trois questions. Et je vais vous poser cette même question à chacun. La première, c'est... quels freins sont encore à lever pour que les collectivités passent à l'action? Quelles autres solutions et opportunités sont à envisager? Et j'aimerais demander à André Flageolet, vice-président de l'AMF, voilà, ça tombe sur vous pour commencer, de bien vouloir nous dire ce que vous évoque cette question des freins et des opportunités. Bien, de toute façon, s'il y a des freins, c'est fondamentalement parce que nous sommes dans des habitudes et que nous avons tellement segmenté les problèmes qu'à un moment donné, nous cherchons désespérément des gens qui sont capables de faire de la transversalité. Et donc, la première réponse, c'est qu'il faut regarder de façon transversale, et les parcelles de République qui se sont exprimées depuis tout à l'heure à travers les élus locaux montrent que, heureusement, il y a des initiatives locales. Et ce serait bien de laisser ces initiatives s'exprimer pleinement parce qu'elles représentent fondamentalement, un, l'accès à la connaissance des problématiques devant lesquelles nous sommes, et deux, l'accès à l'innovation. Et je crois que ce sont des thèmes fondamentaux. On n'a pas présenté l'ensemble qui consiste à dire que nous sommes dans un dérèglement climatique. Ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, dont je suis... Nous sommes sur des questions d'étiage sévères encore à l'heure actuelle, de manque de réserves dans les nappes. Voilà, il faut donc évidemment que les collectivités s'emparent complètement de la question de la biodiversité dans son ensemble et dans ses structures fondamentales de pensée et d'action. Voilà quelques éléments, mais je m'arrête parce que nous sommes nombreux à intervenir. Michael Weber, vous êtes à la fois maire mais aussi président d'un parc naturel régional et président de la Fédération des parcs naturels régionaux, des territoires à la fois d'innovation, d'expérimentation. Comment est-ce que dans ces territoires, on identifie les freins pour le passage à l'action sur la biodiversité? Alors, je crois qu'André Flageolet a bien décrit le fait que finalement les démonstrateurs, on en a eu la présentation d'un certain nombre d'entre eux, sont une occasion pour nous et pour le mandat qui s'annonce peut-être de s'inscrire dans cette dynamique-là. La question, c'est celle, en réalité, des freins. Et je pense que dans la situation actuelle, les différents dispositifs qui existent sont plutôt des freins. D'abord, le paradoxe qui fait que finalement, notamment quand on parle de ce triptyque éviter, réduire, compenser, c'est très souvent les territoires urbains ou périurbains qui ont besoin, effectivement, de s'affranchir, en tout cas de compenser, et qui s'adressent aux territoires ruraux qui, eux, peuvent compenser. Or, la situation, elle est laquelle? Dans les territoires urbains, chacun tend à reconnaître les élus, la population, qu'il y a un manque de biodiversité. Et dans les territoires ruraux, chacun tend à penser que finalement, il fait déjà un effort énorme envers la biodiversité et que notamment sur des questions liées à l'artificialisation des sols, à l'urbanisation, eh bien, il donne déjà beaucoup à la collectivité et que finalement, pourquoi devrait-il faire des efforts supplémentaires ? Et donc, on crée, à mon sens, de ce point de vue-là, et c'est un des freins aujourd'hui psychologiques qui est le plus important, une espèce d'opposition croissante entre la ville et la campagne. De plus en plus, il y a un vrai sujet, c'est celui, je prends l'exemple de l'artificialisation des sols. Quand demain, on va dire qu'il faut zéro artificialisation des sols, on va commencer à se demander comment est-ce qu'on peut compenser là où encore on en fera. Je pense aux infrastructures, même routières. J'étais dans le Médoc il y a quelques jours pour lancer le 54e parc naturel régional, c'était un des sujets. Et on s'aperçoit quand même que l'élu rural, le maire de la commune de 400 ou 500 habitants sur un banc communal de 1000 hectares, lui, il considère que finalement, pourquoi est-ce qu'on lui empêche d'accueillir une population nouvelle, alors qu'il n'a pas d'outils pour peut-être passer à la rénovation du bâti ancien, etc. Donc c'est un des freins, à mon avis, qui me semble aujourd'hui important qu'il faut lever. Les opportunités. Eh bien, en dehors de l'effet démonstrateur de ceux qui sont exemplaires entre nous, et il y en a un certain nombre sur les différents sujets assez faciles que sont maintenant l'éclairage public. De plus en plus, c'est une thématique y compris attendue par nos concitoyens. L'espace public, les travaux que l'on fait pour effectivement revégétaliser les espaces publics, parfois même sur l'urbanisation où on a des sujets qui sont importants. Mais je pense qu'il y a un autre sujet, un autre levier qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et là, je m'adresse aussi aux sénateurs et aux parlementaires, enfin aux députés, c'est celui de la fiscalité. Tant qu'on n'arrivera pas à faire en sorte qu'il y ait une fiscalité sur les territoires exemplaires qui, en quelque sorte, récompense ces territoires, tant qu'il n'y a pas un retour, en quelque sorte, d'investissement de biodiversité sur les territoires ruraux en particulier, eh bien, on aura du mal à convaincre nos collègues élus, effectivement, à s'engager plus encore et à faire en sorte qu'il y ait une espèce de solidarité territoriale entre ville et campagne, de façon à ce que la lutte pour la biodiversité, en tout cas la lutte contre la perte de biodiversité, soit un vrai succès. Merci. Corinne Casanova, à l'échelon intercommunal, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée des communautés de France, je vais y arriver. Comment est-ce que vous ressentez cette question que on se pose collectivement, à la fois des freins et éventuellement des opportunités, même si on y reviendra après? Déjà, je voudrais remercier effectivement les organisateurs de cette journée d'avoir mis en avant les collectivités locales. Parce que, effectivement, on est souvent sur pensée globale, agir local. Maintenant, le slogan est bien connu, mais effectivement, agir local, c'est les citoyens et les collectivités, chacune dans leurs compétences. Et le bloc communal, effectivement, a de nombreuses compétences en matière d'aménagement, en lien avec les régions qui ont le côté plus de la planification de la réflexion et le côté opérationnel au niveau des interco. Moi, j'aurais envie de dire tout à l'heure que, on l'a vu, il ne faut pas trop se flageller quels sont les freins. Il y a plein d'endroits où il y a plein de choses qui se font. Parfois, c'est un peu comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Dans certaines opérations d'aménagement, on n'a pas en vision claire que c'est la biodiversité qu'on veut protéger. Parfois, c'est le cadre vie simple de vie simplement de nos habitants. Quand on prend des questions de coefficient de biotope par surface, quand on prend des questions de lutte contre les îlots de chaleur, on pense d'abord à nos habitants. Mais pour autant, la faune, la flore peuvent en profiter. Donc moi, j'ai envie de dire, il y a des choses qui se font. Les freins, ça a été cité tout à l'heure par notre élu ultramarin. Il y a encore des questions financières. Il faut effectivement, à l'heure d'arbitrer sur les budgets, la politique, c'est ça, public, c'est ça, c'est des arbitrages budgétaires. Donc, parfois, effectivement, les allocations de moyens, c'est pas simple. Donc, lorsqu'on échangeait tout à l'heure, en préparant cette réunion, je vous disais avoir travaillé sur des contrats de corridors biologiques. Quand on veut effacer une infrastructure existante, qui me semble être dans les enjeux importants aujourd'hui, eh ben, ça se chiffre très vite en centaines de milliers d'euros. Et expliquer aux citoyens qu'on va créer un passage à faune sous une ERD à quelques centaines de milliers d'euros, dans les arbitrages budgétaires, ce n'est pas toujours évident. Par contre, les opportunités, effectivement, elles sont nombreuses, ça a été dit tout à l'heure. Ce qui me semble être une question importante, c'est de faire que les réalités qui nous ont été données par Luc Abadie tout à l'heure ne paraissent pas trop anxiogènes. Un million d'espèces qui a disparu, bon, bah, allez, c'est bon, quoi, c'est fini, quoi. À quoi ça sert, quelque part. Et d'avoir, moi, il y a une phrase que je trouve assez cynique qui m'avait marquée quand j'étais étudiante, de dire « la mort d'un homme, c'est un drame, et la mort d'un million d'hommes, c'est de la statistique ». Ben, quelque part, je pense qu'il y a aussi cet élément-là dans la biodiversité qui est important. Et pour moi, du coup, un des leviers importants, ce sera de travailler avec les enfants. Un enfant, on lui montre un hérisson, on lui montre une abeille, on lui montre un petit animal. Il y a tout de suite, plus encore que chez les adultes, un vrai sentiment de proximité qui se crée. Et je pense que c'est passer le cap anxiogène du million d'espèces qui disparaissent par l'animal qu'on va adopter. Dans le cadre des contrats de corridors biologiques, effectivement, moi, je sais que c'était le meilleur souvenir que j'ai eu, c'est d'entendre des enfants parler des animaux du quotidien, construire un abri à insectes. Et c'est par ce vecteur-là, je pense, qu'on peut avoir de très beaux résultats. Merci. Alors, Daniel Breuillet, quand on est vice-président à la nature d'une agglomération de plus de 8 millions d'habitants avec 7 millions de. Bon, j'anticipe sur la croissance annoncée et la densification de ce centre urbain capital. Comment vous voyez les choses pour vous, les freins que vous sentez sur vos communes, vos intercommunautés membres ou établissements publics territoriaux membres de la métropole du Grand Paris ou les autres acteurs publics et privés que vous côtoyez qu'est-ce qui manque pour qu'ils passent à l'action? Pour ma part, je citerai comme principal frein mais une question d'acculturation de nous-mêmes élus. Ce sujet de la biodiversité... Alors, je suis un élu très urbain, métropole du Grand Paris, et évidemment, j'étais maire de la ville d'Arcueil. Ce sujet est un sujet méconnu. On parle de biodiversité essentiellement autour des faits du quotidien, de la vie des pigeons, de la présence des rats. Mais la compréhension d'une vision du monde holistique, de ce que peut être la ville-nature demain, est une compréhension qui reste assez segmentaire. C'est-à-dire, on se dit, on sait qu'on a des choses à faire, des choses à améliorer, souvent des solutions techniques. Je ne suis pas certain que le message que les scientifiques, le monde académique nous adresse ait pleinement impacté notre réflexion sur la ville elle-même. Donc, pour moi, le principal obstacle, c'est l'acculturation. J'en ajouterai un deuxième. J'ai entendu mes collègues, tout ce qu'ils ont dit me convient parfaitement, c'est quand même les questions des valeurs foncières. Lorsqu'on est élu dans cette métropole du Grand Paris, j'ai publié une tribune qui disait « La nature rend des services immenses, mais elle ne paye pas de droits à construire. » Et du coup, elle perd la plupart des arbitrages, parce que lorsque vous êtes maire et que vous pouvez dégager sur un foncier donné plus de droits à construire, vous vous dites « Je rénoverai une école, je construirai une crèche, tous équipements tout autant nécessaires, évidemment, pour le bien-être de nos concitoyens. » Mais du coup, cette inégalité, au fond, entre une nature assez résiliente, assez capable d'être généreuse en termes de qualité de vie, de lutte contre les îlots de chaleur, les inondations ou les sécheresses, n'est pas appréciée à sa juste valeur. Et une friche reste regardée plutôt comme un espace à bas coût sur lequel on peut... Voilà, je crois que lorsqu'on a mieux entendu les messages de l'IPBES ou des scientifiques qui ont accompagné votre colloque, eh bien, on commence à penser différemment et à se demander comment ce sujet fondamental est intégré dans la façon même de concevoir la ville. Voilà, donc moi, je mets l'acculturation comme premier objectif en ce qui nous concerne, nous élus. Merci. Valérie Nouvelle, vous êtes vice-présidente du département de la Manche et vous représentez l'Association des départements de France. Comment vous réagissez à cette question de quels sont les freins pour passer à l'action, alors peut-être au sein des départements, mais aussi en tant que département avec les collectivités infradépartementales? Merci au sénateur de la Mayenne de donner la parole au département aujourd'hui, parce qu'en fait, le département est aujourd'hui la collectivité territoriale qui dispose du plus d'ingénierie et de retour d'expérience en matière de biodiversité. En effet, je vous rappelle que la biodiversité, c'est le fondement de la compétence historique des départements, qui est la création et la gestion des espaces naturels sensibles. Alors, en tant que vice-présidente, je vais vous donner des exemples très concrets, puisque ce sénateur nous avait dit qu'il faut que pour les élus qui souhaitent en fait, soit être candidat au municipal, soit qui sont déjà élus en place, qui vont recommencer un mandat sur de bonnes bases, être très concrets dans les exemples. Alors, deux freins rapides à lever pour vous, chers collègues élus. en matière de biodiversité. Alors déjà, avec un peu de volonté publique, vous allez venir à bout de ces deux freins qui sont les outils de développement durable de votre collectivité actuellement et votre vocabulaire d'élu et celui de vos services. Alors je vous explique, dès le début de votre prochain mandat, je vous recommande d'être novateur et de supprimer l'agenda 21 de votre collectivité, le service développement durable, le projet environnement pour les communes. Vous souriez, mais je l'ai fait. Ces outils ont été nécessaires il y a quelques années à la prise de conscience des grands enjeux environnementaux. Leur mise en œuvre témoignait alors de la volonté des élus d'inclure dans leurs actions les projets en faveur de la protection de l'environnement. On était sur une stratégie souvent assez descendante, même si elle s'appuyait parfois sur des acteurs locaux d'éducation au développement durable. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que vous êtes attendu par vos concitoyens sur les enjeux biodiversité et non plus dans la situation où vous deviez attirer leur attention sur l'importance de la biodiversité dans leur vie quotidienne. Et ça, ça change tout. Aussi, je vous suggère d'accompagner la suppression des outils précités, je vais y revenir, par un changement de vocabulaire qui s'impose. Alors, c'est très facile, ne dites pas « nous allons préserver la biodiversité à travers nos politiques publiques », car ça sous-entend que la biodiversité aurait besoin de l'homme pour survivre. Or, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. La biodiversité au cours des ères géologiques a toujours su évoluer rapidement, s'adapter. Elle n'est plus la même qu'avant, bien évidemment. Mais l'homme a beaucoup moins de capacité à faire face au bouleversement de son environnement naturel. Dites plutôt, nous allons mieux intégrer les services rendus par les écosystèmes dans toutes nos politiques publiques. Cela sous-entend que vous avez bien compris la place occupée par la biodiversité dans l'équilibre des écosystèmes et que vous passez en fait d'une stratégie descendante d'intégration des préoccupations dans vos politiques publiques à une stratégie de co-construction dont l'objectif est bien la qualité de vie de vos concitoyens, rendue possible en fait par les écosystèmes dont ils font partie intégrante, bien sûr. Alors, simultanément, à la suppression des outils de développement durable, je vous en ai parlé parce qu'en fait, c'est une manière d'annoncer pour une collectivité qu'elle passe, vous voyez, à un cran supérieur, qui est de dire on va rebâtir nos politiques publiques en partant des services rendus par les écosystèmes et cela va avoir plusieurs effets. Déjà, c'est du vécu, rapprocher vos politiques publiques des préoccupations de vie quotidienne de vos concitoyens. Vous l'avez dit aussi à travers vos exemples. Leur offrir des possibilités de co-construire avec vous les projets de territoire. Et en plus, vous allez mettre de la transversalité dans le fonctionnement de vos services, de votre collectivité. Et on sait que cette transversalité, c'est aussi une façon d'aller de plus en plus vers un management d'équipe-projet, qui est quelque chose qui est insuffisamment développé dans nos collectivités, mais sur lequel nous tous élus sommes déjà très attentifs. Donc c'est ces deux points, ces deux freins, mais peut-être simples, en complément de tout ce qui a été dit. C'est vraiment un effort de stratégie, de façon d'aborder la biodiversité dans les collectivités. Alors du coup, sur ces politiques publiques autres dans lesquelles il faudrait intégrer, est-ce que, Corinne Casanova, vous pouvez réagir alors peut-être à la proposition peut-être un peu iconoclaste qui vient de nous être faite, mais dans quelle principale politique publique faut-il intégrer la biodiversité où doit-on mettre la priorité si on doit en mettre une? Alors, paradoxalement, pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'étais un ardent défenseur du PLU intercommunal, je ne vous dirai pas dans l'urbanisme, pas parce qu'il ne faut pas, mais parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel on a avancé ces dernières années. Alors, est-ce que c'est l'autorité environnementale? Est-ce que c'est les études d'impact qui nous ont fait avancer? Donc, est-ce que c'est un peu le bâton? Ou est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, la volonté d'intégrer des aménités particulières pour l'homme comme pour la nature? Mais je le disais, je crois qu'on a vu tout à l'heure des exemples de végétalisation, on en a de plus en plus. Des questions de coefficients de biotope, des questions de noues paysagères, de forêts verticales, c'est des choses, ça rentre dans la grammaire de l'urbanisme, de l'aménagement. Moi, j'ai moins envie d'être inquiète là-dessus, y compris sur un sujet que vous donniez dans les questions sur l'urbanisme commercial. Je suis membre de la Commission nationale d'aménagement commercial. les projets soient améliorés. Là aussi, la loi a aidé. Je suis en train de piloter la révision d'un SCOT. Ben, l'artificialisation n'est pas zéro artificialisation nette, parce qu'on a 97 000 personnes à accueillir dans les 20 années qui viennent. Donc on ne sait pas faire, mais la réduction drastique des surfaces constructibles et surtout des terrains pris à l'agriculture est réelle. Je pense que le point sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui, au niveau en plus des intercommunalités qui en ont cette compétence, c'est au niveau de la compétence GEMAPI, au niveau de tout ce qui concerne les cours d'eau. Et je pense plus d'ailleurs à la question des milieux aquatiques, au mât, qu'au PI. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure dans les premiers débats. On se retrouve de plus en plus avec des questions de conflit entre l'eau à boire et l'eau qui reste dans les cours d'eau au débit d'étiage, aux discussions avec les agriculteurs aussi sur ces questions-là. Je crois que toutes les trames tout à l'heure ont été évoquées, trame verte, trame bleue, trame orange, trame noire, trame marron, trame turquoise, dont on entend de plus en plus parler aussi. Et pour moi, c'est le véritable enjeu. Je suis sur un territoire où, par exemple, on a réussi, au niveau avec un contrat de bassin versant, à largement améliorer les pollutions des eaux. Les derniers ouvrages qui nous restent à faire, effectivement, sont là pour tamponner les effets, lorsqu'on a de la pluviométrie forte, les bypass de nos stations d'épuration. Je pense que c'est là-dessus qu'on a un gros travail et qu'on a un travail aussi de cohérence à faire. Je vais citer un exemple d'un chantier qu'on a fait récemment. On a voulu renaturer un cours d'eau, donc on a planté autour. C'était assez logique de ramener de l'ombre, ramener des frayères, etc. Et ben, prévention des inondations, on a coupé les arbres pour éviter les embâcles. Et pour le coup, on a vraiment besoin de cette cohérence, cette lecture de nos cours d'eau, de ce qu'ils apportent et d'être cohérent sur cette politique-là. Alors, j'imagine qu'André Flageolet, vous serez au moins d'accord sur ce principe-là en tant que président de comité de bassin. Et si oui, quel levier clé vous voyez pour pouvoir passer à l'action ? Alors, nous sommes en train de développer de façon parcellaire une multitude de réponses individuelles. Et si vous me permettez l'expression, tous les tiroirs sont en train d'être utilisés. Ma question, c'est y a-t-il une commode ? La commode, elle est simple, elle existe. Pour l'eau, ça s'appelle le SDAGE. Qui s'en occupe ? Et qui se soucie de son application dans l'ensemble des documents locaux ? Ça s'appelle aussi le SRADET, qui va bientôt être opérationnel. Mais ça s'appellera demain, au niveau du gendarme, l'évaluation de la DCE, directive cadre sur l'eau, par l'Europe, pour savoir si nous sommes au rendez-vous. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, nous n'y sommes pas. Il y aura une facture à payer. On trouvera bien quelqu'un pour la payer. Ce seront les agences de l'eau, qui sont exsangues, parce qu'on les a vidées de leurs possibilités financières et de leurs moyens humains pour comprendre et expliquer aux collectivités ce qu'il fallait faire. L'exemple le plus typique, c'est la GEMAPI. La GEMAPI, si vous lisez le texte, c'est aménagement d'un cours d'eau ou d'un morceau de cours d'eau significatif. Qu'est-ce qui se passe en amont ? Qu'est-ce qui se passe en aval ? Sachant que si vous regardez sur le temps long, la question fondamentale, c'est peut-être les inondations. Combien de communes facilement inondées ont-elles un PPRI ? Mais c'est aussi l'étiage. Combien de collectivités ont pris à bras le corps cette question sur le partage d'une eau qui est de moins en moins présente ? Voilà. C'est une question importante. Ça veut dire que nous avons, à cause de l'évolution de la nature, à cause de ce temps long qui nous percute aujourd'hui, nous avons à nous interroger pour savoir si nos politiques au quotidien intègrent bien la vraie dimension du problème. Et je ne parle que de nous. Je n'aurai pas l'outrecuidance d'aller mettre sur la table la nécessaire relation entre le Nord et le Sud. Et donc de poser la question éventuellement d'une certaine forme d'humanité. Donc je veux dire simplement que la prise de conscience que nos autoroutes de biodiversité sont en danger, que nous avons des réponses structurelles à apporter qui doivent être déclinées de façon opérationnelle dans les réalités quotidiennes. Et toutes ces réalités quotidiennes que nous avons expliquées aujourd'hui doivent maintenant remonter dans un schéma sous réserve que l'on nous laisse travailler et que les outils qui ont été créés par le législateur pour fonctionner, ben effectivement, soient respectés par le législateur lui-même. Ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Michaël Weber, l'ADN des parcs naturels régionaux, c'est l'intégration de la place de la nature dans les politiques publiques. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Comment est-ce que vous voyez cette question, peut-être à la fois de la priorisation et puis peut-être des leviers clés pour faciliter le passage à l'acte? Moi, d'abord, je voudrais dire que les parcs naturels régionaux, contrairement à beaucoup d'autres collectivités au niveau de collectivités, parlent de biodiversité depuis très longtemps. Je rappelle que le mot biodiversité qui est apparu au début des années 90, il a quand même mis quasiment 20 ans à s'imposer dans le débat public. Et que vraisemblablement, si nous avions tenu ce congrès, ou cette colloque pardon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de niveaux de collectivités qui ne seraient même pas représentés. Nous-mêmes, on était considérés à l'époque plutôt comme ceux qui empêchaient de tourner en rond plutôt que de trouver des solutions. Moi, je pense qu'il faut aussi que l'on se dise qu'il est temps de passer aux actes. Parce que j'entends tout ce qui est dit. Chacun dans son niveau de collectivité met le mot biodiversité dans son programme, dans les actions qui sont menées. Mais après, la réalité, il faut peut-être rappeler quelle est la réalité aujourd'hui en 2019. Malgré tout ce qui a été mis en œuvre depuis les dernières années, même si on prend les 5 dernières années, on s'aperçoit que la perte de biodiversité, elle va croissante. Donc ça veut dire qu'on n'est pas efficace. Ni nous, les parcs naturels régionaux, suffisamment. Je pense qu'on est plus que d'autres. Là, on peut donner des chiffres. Mais tous les autres non plus. Et donc, on doit quand même s'interroger sur l'impact qui est le nôtre et sur les leviers, effectivement, que l'on peut avoir pour faire en sorte eh bien, que ce constat-là soit s'inverse. On a parlé du levier financier. Moi, je ne suis pas certain que ce soit simplement le levier le plus important aujourd'hui. C'est une question de pratique que l'on doit mettre en œuvre et qui, aujourd'hui, sont importantes pour nous. Parfois, elles ont elles-mêmes un impact financier. Je prends l'exemple du parc du Gâtinais français qui est passé à plus de 90% de ses communes à l'extinction partielle de l'éclairage public. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, une part importante de ces communes dans le Gâtinais français, c'est dans la région parisienne, hein, en Ile-de-France, eh bien, sont passées à l'extinction totale. Et que par ce biais-là, eh bien, les communes se sont engagées, je dirais, dans des actions vertueuses qui, par les économies qui ont été faites, ont pu aller beaucoup plus loin. Je parle aussi de la responsabilité des uns et des autres. Les régions qui, aujourd'hui, se voient accroître une responsabilité en matière de biodiversité, même les départements. Parce que j'observe et j'entends bien ce que vous venez de dire, chers collègues, mais sur la revue dépenses sur les espaces naturels sensibles telle qu'elle est apparue il y a 2 ans, il semblait que les départements n'étaient pas tous exemplaires dans les moyens mis en œuvre, financiers, en particulier pour les actions de biodiversité. Donc je crois qu'il faut aussi aujourd'hui se dire les choses et que les uns et les autres, il ne suffit plus de mettre le mot biodiversité, encore une fois, comme un espèce d'étendard, mais il s'agit vraiment d'avoir des actions qui peuvent être menées et qui peuvent inverser la tendance. Et quant à l'urbanisation, on parle de zéro artificialisation des sols. André, comme moi, on est maire depuis quelques années déjà. Moi-même, je suis maire depuis 1995. J'ai connu les POS, puis on est venu avec les SCOT, puis on est venu avec le PLU. Aujourd'hui, on parle du PLUI, du SRADET, et je dois continuer. Et quel est le résultat? Depuis 1990, on nous dit ces outils visent à réguler et à éviter l'artificialisation des sols. Et dans le même temps, on s'aperçoit que l'ensemble de ces outils sont, grosso modo, sans effet. C'est comme ça la réalité. Donc, soit on se dit aujourd'hui, on arrête d'aller dans ce sens, effectivement, qui va contre l'histoire. On s'interroge sur les actions et les moyens financiers mis en œuvre pour rénover les 3 millions de logements vacants en France qui sont en capacité d'accueillir, allez, si on prend les chiffres, 9 millions d'habitants. Et on met vraiment des outils en face. Et je pense que c'est possible. Soit on se dit, on va continuer à mettre des outils en place. On en a chaque fois. L'an dernier, il y avait une table ronde à l'AMF où on est arrivé tous au même constat que ces outils, en fait, étaient sans effet et sans impact. Et c'est la même chose sur éviter, réduire, compenser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle que de compenser. Si on parlait que d'éviter avant de parler que de compenser, que vraiment le premier mot qui était à mettre en œuvre, c'était celui d'éviter. Donc voilà, c'est le cas sur l'urbanisme, sur le logement, parce que je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que tous les maires que j'ai évoquées tout à l'heure, en particulier les maires ruraux, ils veulent accueillir la population nouvelle chez eux. Donc si on leur dit on n'a pas d'outils pour passer à la rénovation du bâti ancien, alors qu'on parle de cœur de ville, centre-bourg et tout ce qu'on veut, et on ne peut pas répondre à cette attente-là. Et le dernier sujet qui me semble être un sujet quand même essentiel, c'est celui de l'agriculture. Et là encore, je crois que ça a été dit tout à l'heure, je l'ai entendu, ne stigmatisons pas les agriculteurs. On leur a demandé depuis les années 60, enfin depuis l'après-guerre, de faire de l'agriculture intensive. On leur dit aujourd'hui exactement l'inverse. L'agriculteur de 1960, c'est le même qu'aujourd'hui. Il veut juste vivre de son travail. Donc si on lui donne les moyens demain de vivre mieux de son travail, peut-être par l'agriculture bio, peut-être par l'agroécologie, il s'adaptera, il changera sa pratique. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce que l'on fait. Voilà. Et je pense que c'est vraiment les leviers que l'on doit, à mon avis, j'en ai pris là deux exemples qui me semblent importants pour qu'il y ait une vraie modification des pratiques et pour qu'encore une fois, on puisse un jour juste se retrouver ici dans cette même salle, tel que nous sommes les uns et les autres, et à dire qu'effectivement, en matière de biodiversité, on a pu gagner et non pas perdre, tel que c'est le constat alarmiste que l'on a chaque année. Juste, je reviens là-dessus parce qu'on dit c'est anxiogène. Oui, mais regardez les jeunes. Il n'y a pas simplement ceux du primaire ou les petits collégiens, les plus jeunes des collégiens qui n'ont pas ou qui doivent aller effectivement prendre contact avec la ferme, l'animal, la forêt et le champ. Mais ce sont aussi ces jeunes qui aujourd'hui se mobilisent dans la rue, qui sont eux-mêmes anxieux face à la planète que l'on est en train de leur céder. C'est quand même une vraie problématique que l'on a tous à traiter. Je veux dire, dans laquelle on a nous-mêmes une part de responsabilité. Moi, je ne suis pas du genre, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du genre à être pessimiste, etc. Moi, je veux vraiment trouver des outils et des alternatives dans ce pays, peut-être à l'échelle mondiale, mais chacun fera en fonction de ce qu'il peut, pour qu'on change ces pratiques-là. Donc, changeons-les, soyons convaincus que ce qui se passe aujourd'hui devant nous est une vraie problématique à laquelle on se trouve opposé et avec laquelle, je pense, on peut avoir des outils qui sont des outils locaux, mais qui peuvent aussi être des outils nationaux, voire même internationaux. C'est ce qui s'appelle remettre l'église au centre du village. Merci beaucoup. J'ai pas d'église dans mon village. Vous voyez, c'est une des communes où il n'y a pas d'église ni de cimetière. Donc, c'est pas pour autant qu'on ne meurt pas, mais bon, voilà. Enfin, vous aurez compris l'image. Oui, tout à fait. Valérie Nouvelle, donc à la fois sur la compétence espace naturel sensible, mais aussi les autres compétences du département. Comment finalement vous passez à l'acte sur l'intégration de la biodiversité dans ces différentes politiques, puisque vous nous dites qu'il faut maintenant les mettre partout. Et un exemple ou deux, peut-être ? Oui. Alors, il n'y a pas de domaine, en fait, où des politiques publiques qui ne puissent, en fait, intégrer la biodiversité de manière pertinente. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il faut passer d'une biodiversité qui est à côté des autres politiques, en fait, une biodiversité vraiment intégrée dans les politiques pour retrouver aussi des réponses à ces questions techniques, économiques qui ont été soulevées précédemment. Alors, on pense souvent dans les politiques publiques, quand il faut intégrer la biodiversité, vous voyez, spontanément, j'ai des élus qui me disent, on va faire la biodiversité, on va s'intéresser à travers la politique zéro phyto, qui va de pair avec la gestion des espaces verts, et le même support d'action, d'insertion. Voilà, je vais faire mon travail sur la biodiversité. Mais sachez qu'il y a d'autres domaines où on peut innover pour améliorer la qualité de vie quotidienne de nos concitoyens, en intégrant ces fameux services rendus par la biodiversité, et notamment un autre domaine de compétence des départements, qui est les solidarités. Alors, quelques exemples qui peuvent vous servir de base pour développer vos propres projets d'élus, parmi des exemples sur les départements. L'accompagnement à la parentalité, pour donner du sens aux sorties programmées dans le cadre des accompagnants éducatifs administratifs. Pourquoi pas les réaliser dans la forêt, dans le cadre de sorties pédagogiques adaptées pour la découverte de la biodiversité. Et là, vous voyez, on n'est pas sur une charge liée à de l'animation avec des animateurs éducatifs, etc., complètement déconnectés de la biodiversité. En même temps, le financement de ces actions a des impacts sur la biodiversité. Dans la relation famille-enfant, donc les milieux naturels, c'est vrai, sont le cadre pour renouer avec tous ses sens, laisser davantage se développer sa réceptivité à l'autre ou renouer avec ses propres sensations. Ce sont aussi des projets qui sont mis en place par des départements. Le public des aidants, qui est quant à lui un autre acteur pour favoriser une communauté de destin au contact de la nature et de la biodiversité. Vous avez des clubs de marche pour les aidants. La mise en accessibilité d'un parcours de pêche, d'un parcours de promenade dans un espace naturel sensible. ça évite de priver certains de nos concitoyens des bienfaits d'une promenade à la campagne. On pense souvent à l'accessibilité de la mairie, des services publics. C'est indispensable, mais il nous faut aller beaucoup plus loin. Et tous ces travaux-là, toutes ces actions vont petit à petit sensibiliser davantage nos populations aux enjeux de la biodiversité. Il y a bien sûr tous les chantiers nature, notamment avec les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, la prévention de la vieillesse, cette volonté de vivre plus longtemps dans de bonnes conditions, font de nos actions pour la biodiversité une opportunité d'économie en matière de santé. Là où on voyait une charge d'acquisition et de gestion d'espaces naturels pour préserver la biodiversité, vous voyez, on peut complètement renverser l'équation pour en fait chiffrer les bénéfices de ces actions que l'on peut développer dans certains espaces naturels, hein, pas tous bien sûr, mais qui vont en fait faire qu'au lieu d'être sur une charge, on va être sur une recette positive en matière de santé. On peut multiplier tous ces exemples, mais ce qu'il faut retenir, c'est que faire à chaque fois l'exercice, quand on travaille sur une politique publique, de se dire sur quel service rendu par la biodiversité je peux m'appuyer pour développer mes projets, de cette manière, la biodiversité fait partie des politiques publiques de votre collectivité, comme elle fait partie du quotidien de nos concitoyens. Et là, vous touchez toutes les tranches d'âge, vous n'êtes pas juste sur de l'éducation à la biodiversité, à la nature, mais vous êtes vraiment sur une réponse donc, pour la vie quotidienne de vos concitoyens. Et en même temps, vous enlevez complètement cette distinction entre action pour la biodiversité et autres actions de politique publique. Merci. Alors, Daniel Breuillet, le SCOT, ça ne sert à rien. Il est en train d'élaborer son SCOT. Parce que j'ai voté pas mal de SRCAE, de SDRIF, de choses comme ça, pour constater qu'effectivement, en tous les cas, ces règlements ne suffisaient pas à inverser les politiques. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Cet été, au mois de juin, on a fermé des écoles dans presque une ville sur deux de la métropole du Grand Paris en raison de la canicule. 5 millions de nos concitoyens sur les 7 millions sont exposés à des îlots de chaleur, de surchaleur urbaine. Cet été aussi, on a vu l'Amazonie qui brûlait, et je ne sais pas si tout le monde a fait le lien entre le fait que l'Amazonie brûlait pour planter du soja, qui nourrissait quand même, malgré tout, du bétail que nous consommons en France et qui vit en France. Et donc, je révoque ça parce que cette question du regard global reste premier, évidemment, sur tout aspect de règlement ou de décision ponctuelle que nous pouvons prendre. Il n'empêche qu'on est élu pour agir et que les règlements sont aussi des outils de l'action. Donc, quand on est élu de la métropole, le SCOT est un enjeu très important. Nous avons un taux d'imperméabilisation des sols inouï. Nous allons contractualiser avec des territoires ruraux en amont de la métropole pour diminuer les risques d'inondation pour les métropolitains, mais nous ne faisons pas l'effort de désimperméabiliser les sols mêmes de la métropole ou d'obliger que nos toitures soient plantées et une capacité d'absorption des eaux pluviales à la parcelle accrue. Il y a là un paradoxe. Il n'empêche, pour moi, l'aménagement est quand même une composante sur laquelle il faut travailler d'arrache-pied. En tous les cas, je parle du sujet que je connais un tout petit peu, qui est celui de la métropole. Notre SCOT envisage de sanctuariser les terres agricoles. Et nous avons pris une remarque des services de l'État qui nous disait « Vous n'avez pas bien compris ce qu'est le zéro artificialisation net. Il ne s'agit pas de conserver tous les espaces naturels. Il s'agit donc de ne pas empêcher non plus des coups partis. » Je ne veux pas rentrer dans une polémique sur des coups partis en Île-de-France dont on peut se demander au fond s'ils correspondent à la société de la crise climatique dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Il y en a certains très symboliques dont on parle assez souvent. En tous les cas, nous voulons cesser l'artificialisation et même engager la désartificialisation. Nous voulons imposer 30% de pleine terre, y compris dans Paris intramuros, dans la zone la plus dense, 30% de pleine terre sur les projets urbains. Si nous ne faisons pas ça, la ville de demain sera difficilement vivable. Et puis, deuxième remarque que je voudrais faire, il faut des démonstrateurs. Je vais en donner deux exemples. Par exemple, nous avons signé, comme Antoine Cadillet, là, je fais une page de publicité avec CDC Biodiversité, un programme Nature 2050. Ça veut dire que sur 9 sites de la métropole, nous disons que nous allons suivre la renaturation jusqu'en 2050. C'est un engagement durable. Nous mobilisons des entreprises là-dessus. L'aménagement public, c'est peut-être 10% de l'aménagement de nos territoires. 90% relève de l'action privée. Eh bien, si ces acteurs privés n'ont pas la même conscience des enjeux climatiques, de la nécessité de construire une ville nature durable et agréable à vivre, nous ne gagnerons pas ce pari. Et nous ferons encore le constat que la biodiversité a reculé, que la place de la nature dans la zone la plus dense demeure notoirement insuffisante et que par ailleurs, 80% des cadres qui vivent dans la métropole du Grand Paris se demandent s'il ne ferait pas mieux d'aller vivre ailleurs pour trouver un cadre de vie plus conforme à leurs propres aspirations. Donc, Nature 2050, inventons la métropole du Grand Paris, 12 hectares d'agriculture urbaine ou de plantation. Nous devons élaborer des cahiers des charges, qui sont les cahiers des charges du 21e siècle, qui soient des cahiers des charges extrêmement ambitieux. Dans la tribune que j'évoquais, j'avais dit qu'il faudrait un 5% nature, comme il y a eu un 1% culture pour que la culture puisse être présente partout. Mais si on ne consacre pas 5% de tout budget d'investissement à une place accrue de l'eau et de la nature en ville, il n'y aura pas une ville résiliente. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous ne consacrons pas 5%. Quelques projets le font, mais la plupart du temps, la variable d'ajustement, une fois que le projet, même à l'issue d'un concours comme le nôtre, inventons, a été retenu, on se dit, on va quand même rogner, finalement, peut-être un petit peu moins de nature, un petit peu moins de ci, un petit peu moins de ça. Et à l'arrivée, nous continuons à produire des objets urbains qui n'ont pas cette pensée de leur place dans la ville du futur, qui doit forcément être une place de la nature. Donc, quand même, pour moi, l'aménagement, en tous les cas, je veux le président Ollier est le premier à demander qu'on s'intéresse à ce sujet, mais nous voulons vraiment que cet enjeu d'aménagement, nous le pensions au regard non pas de règles de SCOT, de PLUI, mais au regard des enjeux climatiques et des enjeux de l'effondrement du vivant. C'est avec cette boussole-là que nous devons construire vraiment la ville de demain. Quel programme ? Quel programme, justement ? C'est la troisième question pour... Comment est-ce qu'on fait, comment on peut faire en sorte que les équipes communales et donc intercommunales qui vont être en responsabilité dans 6 mois, pour que dès le mois d'avril, elles puissent mettre en œuvre des plans d'action biodiversité, des atlas de la biodiversité communale, comment est-ce qu'on peut s'organiser, quelles sont les bonnes idées que vous auriez? Et je laisse le ou la première d'entre vous qui a envie de répondre à cette question commencer. Vous préférez André Flageolet, je vous sens... Il faut inspiré. Quelqu'un se lance. Trois réflexions simplement. Si on veut réussir, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à peu près, mais si on veut réussir, il faut revisiter la question des valeurs financières, parce qu'autrement on n'en sortira pas. Je veux dire, il faut être clair. Le mètre carré urbain, c'est l'équivalent d'un hectare en ruralité. Et l'hectare en ruralité rapporte rien. Donc, s'il n'y a pas un partage de la valeur du foncier, on peut faire tous les beaux discours que l'on veut, nous n'avancerons pas. Deuxième remarque, si nous n'acceptons pas de revisiter les réponses techniques que nous avons données aux problèmes devant lesquels nous étions hier, nous aurons aussi à nous poser des questions sur le respect de ce que j'appelle les biens premiers, l'eau en particulier. Trouvez-vous normal que l'eau de pluie nous oblige à faire des déversoirs d'orage pour que les stations d'épuration puissent continuer à fonctionner ? Question. Trouvez-vous normal que dans les 3/4 des communes, ce soit de l'eau potable qui serve à arroser les incendies ? Il faut se poser la question de la pertinence de nos réponses aujourd'hui. Elles étaient peut-être pertinentes hier, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Troisièmement, est-ce que nous sommes capables d'accepter de réfléchir à la question suivante ? La terre dans laquelle nous sommes ou sur laquelle nous sommes dans la terre et sur la terre. Est-ce que sur cette terre, tout est possible ? Est-ce que n'importe quelle terre peut accepter n'importe quelle activité ? Moi, ma réponse est fondamentalement non depuis des années et des années. Dans ma commune, j'ai un PPRI drastique. j'ai eu un nombre impressionnant de gens qui m'expliquaient que leur terre était à bâtir, alors que je leur expliquais qu'elle était inondable. Je n'ai pas cédé d'un centimètre. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement, or, regardez aujourd'hui le pourcentage de communes inondables qui ont accepté d'avoir un PPRI. Et vous m'expliquerez après comment on peut faire de l'aménagement harmonieux du territoire. Regardez aujourd'hui comment se développe encore un certain nombre de zones commerciales. Moi, je préside la CDAC dans mon département, en tant que président des maires. J'ai demandé au préfet, on va tirer au sort 4 ouvrages et on va les vérifier s'il y a cohérence entre le dossier déposé et la réalisation. Au hasard. Et donc, je terminerai simplement en disant, au lieu de dire éviter, réduire, compenser, on va prendre le E d'éviter pour dire éduquer, on va prendre le R de réduire pour dire réfléchir, et on va prendre le C de compenser pour dire co-construire. Bon, nouvelle doctrine pour le prochain mandat. Valérie Nouvelle. Je vais peut-être ajouter un A pour améliorer la biodiversité. Alors, dans les idées en fait, qui vont être mises en œuvre par les départements pour informer et mobiliser les candidats futurs élus pour l'engagement de plan d'action dès l'entrée de leur nouveau mandat, en fait, il y a quelque chose de très simple, c'est proposer une participation à un comité de gestion d'un espace naturel sensible ou d'une réserve ou d'un autre site comme ça, protégé pour sa biodiversité. Ça permet en fait, d'appréhender la richesse de la concertation qui existe en leur sein entre tous les usagers du site pour définir en fait, les actions qui au final seront mises en œuvre. En fait, ce sont des espaces de dialogue où vous avez en fait, à la fois des gens qui ont une conception complètement différente de l'usage d'un site. Et c'est là qu'on peut retrouver aussi bien agriculteurs que des acteurs du tourisme, donc, que des chasseurs, que des habitants riverains. Et c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une action publique, mais il y a aussi une action privée au niveau du développement des projets. Et ces instances, c'est un modèle que l'on a la chance d'avoir en France, d'espace où on a cette concertation, cette réponse à l'appel que lancent les concitoyens de plus de co-construction et de concertation. Donc n'hésitez pas à participer à un de ces comités de gestion. Et deuxièmement, c'est aussi des appels à projets biodiversité qui sont développés dans les départements, où les départements en fait, mettent à disposition donc, des élus, des communes, leur ingénierie en environnement pour pas seulement suivre des projets, mais vraiment être dès l'amont sur la réflexion pour définir le projet et ensuite, bien sûr, suivre sa réalisation, sa mise en œuvre, sa vie et son évaluation. Et donc ça, c'est deux actions, puisqu'on voit que les élus sont assez démunis quand il faut passer effectivement de cette intégration de la biodiversité dans toute leur politique. Donc voilà deux actions très concrètes qui peuvent être proposées. Merci. Par les départements. Corinne Casanova. Alors moi, je me dis que par rapport à ce que viennent de dire mes collègues, que si l'élu qui va commencer son mandat en mars 2020, il faut qu'il attende que la question fiscale soit résolue et que la question du bien commun soit résolue, il ne va pas bosser beaucoup pendant son mandat. Alors moi, j'aurais plutôt envie de dire, on va être un peu plus pragmatique, effectivement, et je ne sais pas si le président de la République et nos parlementaires arriveront à faire quelque chose. Donc l'élu local, je doute qu'il y arrive. Donc moi, j'ai envie de dire, déjà, j'ai l'impression que ça a changé en 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis élue. Il y a 20 ans, l'environnement, on filait la compétence au Benjamin de l'équipe ou à l'écolo de service. J'ai testé, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il aura déjà un peu plus de chance parce qu'il a plus de chance de se retrouver dans une position dans l'organigramme avec plus de transversalité et plus près du président de l'exécutif, ce qui, à mon avis, va un peu l'aider parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se leurre en début de mandat. Il y a toute une appréciation du mécano institutionnel à faire, il ne va pas être opérationnel fin mars. Il ne faut pas non plus raconter des cracks. Donc, par contre, après, moi, j'ai envie de dire, eh bien oui, les outils de planification, j'y crois en ce qui me concerne, parce qu'un SCOT et un PLU, effectivement, un PLUI, ça ne vaut rien. Ça vaut par ce qu'on met dedans et ça vaut donc par la volonté politique qu'on met dedans. Quand on dit dans un SCOT qu'effectivement, on réduit la part de la consommation. Je vois le SCOT de Métropole Savoie entre 2005 et aujourd'hui. On a réduit de moitié la consommation d'espace par habitant. On était à plus de 1000 mètres carrés par habitant. On est à 319 aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on ne porte pas ses fruits avec des documents de planif. Le tout est qu'il ne faut pas que ce soit des coquilles vides. Et je ne suis pas complètement d'accord avec mes collègues. Je vois en CDAC et en CNAC des dossiers qui sont à peu près bien montés. Je vois des SCOT où il n'y a rien non plus, effectivement. Ce n'est pas le SCOT qui est en responsabilité, ce sont les élus qui le portent. Et moi, j'ai envie de dire, un élu qui a envie de se mobiliser sur la question de la biodiversité en début de mandat, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas être sur un message qui soit punitif. Je pense qu'il y a un outil qui est très intéressant en ce moment, et les intercommunalités s'en saisissent pas mal, c'est la question des programmes alimentaires territoriaux. Nous avons défini à l'échelle de notre territoire à l'horizon 2050 une volonté d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour le coup, derrière, on engage une réflexion sur effectivement les terres agricoles, lesquelles sont les plus propices à quel type d'agriculture. On engage une discussion avec les agriculteurs pour effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, effectivement, ils ne produisent pas un certain nombre de cultures qui sont produites en Amazonie, c'est ce réflexion avec la Chambre pour voir ce qu'on peut remettre sur notre territoire et comment les agriculteurs, on peut les aider à avoir plus de valeur ajoutée dans leur travail. Donc c'est tout ce qui concerne le circuit court, c'est tout ce qui concerne le maraîchage. Et quand on aura fait ça, quand il aura fait ça, notre élu, en fin de son mandat, normalement, il devrait avoir bien bossé pour son territoire et pour la biodiversité. Bon, un programme. Qui de vous deux veut enchaîner ? Michael Weber et puis ensuite Daniel Bruyer. Excuse-moi, David. Oui, je crois que l'impact qu'il va y avoir, c'est d'abord l'impact des électeurs. Parce qu'il me semble que de plus en plus, nos concitoyens sont intéressés à ces sujets-là. Je crois que fondamentalement, d'ailleurs, tous les candidats, pour parler des municipales, puisque c'est quand même la prochaine échéance qui arrive, vont parler effectivement d'environnement, de biodiversité. D'ailleurs, regardez. Les parents d'élèves exigent quasiment du 100% bio dans les écoles. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème, parce que combien même les élus voudraient s'y engager, c'est très difficile d'y répondre, dans la réalité des faits. Donc je pense que la première des choses, c'est celle-ci, c'est de se dire, je pense que nos élus, de plus en plus, sont sensibilisés à ces questions, pas dans tous les territoires, mais je pense qu'ils ont conscience que c'est un sujet, parce que la population va les amener à ce sujet-là. Et demain, ce sera de faire en sorte que des outils parfois simples, je veux dire, la pédagogie, l'éducation à l'environnement, l'impact peut-être sur effectivement l'éclairage public, les zéro pesticides, ce sont des outils, des dispositifs qui sont faciles et dont les élus vont assez facilement se saisir. Le problème, c'est que la demande va être de plus en plus forte. Et je pense que c'est aussi l'occasion peut-être d'associer, parce que je pense qu'il y a aussi ce nouveau rapport au pouvoir, les populations dans nos villes, dans nos villages. Peut-être que demain, il y aura des... Regardez d'ailleurs ce qui se passe parfois les commissions fleurissement dans les villages. Ce n'est pas tellement les élus qui sont ces commissions fleurissement. C'est un peu d'élus, un peu de techniciens, mais c'est souvent des habitants qui ont du temps, qui veulent se donner du temps et qui finalement sont plus exigeants encore avec l'élu lui-même que ce que voudrait faire l'équipe municipale. Et je pense que nous, dans les parcs naturels régionaux, c'est une grande pratique. L'un des grands enseignements qu'il y a eu de 50 ans d'histoire des parcs naturels régionaux, puisqu'ils sont créés depuis 1967, je le rappelle, bien avant qu'on parle de biodiversité d'ailleurs, c'était de dire que les élus dans ces parcs sont beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là que les élus dans d'autres parcs. Il y a d'autres, d'ailleurs, impacts des parcs naturels régionaux sur les élections, mais ça supposerait un autre débat. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'effectivement, on fait de la sensibilisation, parce qu'on a des dispositifs comme jardinier pour la biodiversité, où finalement l'habitant devient l'expert, où finalement, par l'action qu'il met dans son propre jardin, non seulement il est primé, non seulement il est reconnu, mais en plus, il ouvre son jardin et devient finalement enseignant, pédagogue pour les autres. C'est aussi le travail que l'on mène maintenant avec l'AFB. Je salue Christophe Aubel qui est président, mais les territoires engagés pour la nature. Je pense que c'est aussi ça, c'est de montrer que par là encore la démonstration, par la labellisation parfois, par les actions concrètes qui sont menées, où ce sont les habitants qui deviennent les experts. D'ailleurs, ce que l'on demande aussi, c'est-à-dire dans la connaissance elle-même de la nature, si on a une si bonne connaissance, ce n'est pas simplement l'IPBES, c'est aussi que le fait que nos concitoyens sont devenus eux-mêmes experts pour leur propre environnement. Je pense que c'est l'occasion peut-être de créer un nouveau lien, en tout cas dans ces élections qui arrivent, et ce n'est pas spécifique aux mairies communes, mais de façon générale pour créer un nouveau lien entre l'habitant et le pouvoir politique. Merci. Et Daniel Breuillet, je sens une convergence entre, avec Michael Weber sur ce sujet-là. Oui, le premier point à la question comment mobiliser les candidats, je voulais répondre, les citoyens vont s'en charger. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire le collègue. Je pense que la compréhension par nos concitoyens de ces enjeux climatiques, de nature et de biodiversité est plus grande que le niveau atteint par nos propres politiques publiques. Et donc, dans le débat des élections municipales, puis territoriales, ce sujet sera un sujet omniprésent. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la mobilisation des élus. Je pense qu'elle se fera parce qu'on est, lorsqu'on est élu, on est toujours stimulé par la pression sociale, la demande de nos concitoyens. C'est d'ailleurs assez naturel qu'il en soit ainsi. Sur le comment, moi, je crois aussi beaucoup à l'idée... Au fond, quand on démarre un mandat, j'ai fait 4 mandats de maire aussi, quand on démarre un mandat, réunir dans une même instance des scientifiques, des professionnels, des associatifs, des citoyens et des élus, c'est quand même la garantie d'être plus intelligent et de pouvoir coproduire des politiques publiques. Les formes, chacun les trouve, chacun les détermine. Mais il n'y a pas d'évolution des politiques publiques s'il n'y a pas des éléments de coélaboration de ses propres politiques publiques. Et puisqu'il y a une demande sociale assez forte sur ces sujets, utilisons au fond cette force citoyenne, les associations de protection de l'environnement, des animaux, de la nature, comme un moteur de nos propres réflexions, pas comme une crainte en se disant nous allons être bousculés finalement par ces gens que parfois on trouve un tout petit peu excessif ou ne comprenant pas la totalité des enjeux auxquels un maire est confronté, mais comme un moteur positif, en disant au fond, puisqu'il s'intéresse à ce sujet, intégrons-le et intégrons-les dans la réflexion sur le devenir du territoire. Et puis, il y a un troisième élément que je voudrais rajouter sous forme de clin d'œil. Moi, je crois beaucoup aux innovations de très haute technologie. À la métropole du Grand Paris, on nous en présente souvent, compte tenu de ce qu'est cette métropole. Et par exemple, très récemment, on m'a présenté une innovation, 10% des particules fines absorbables. Le carbone absorbable, des émissions de CO2, lutte contre les inondations et lutte contre les îlots de chaleur, rien que ça. Cette innovation inouïe, ça s'appelle un arbre. Et au fond, on a juste oublié que c'était quand même une innovation de très haute technologie qui a mis dans ces écosystèmes des milliers d'années à trouver sa place. Et peut-être que le regard sur ces solutions de nature low-tech mérite d'être aussi attachant que celui qu'on porte à l'innovation de haute technologie, dont nous avons aussi par ailleurs tout à fait besoin. Merci beaucoup, Guillaume Chevrollier, pour conclure cette table ronde. Merci. À ce stade, il me revient effectivement la mission de conclure. Vraiment, avant de remercier l'Agence française pour la biodiversité, pour l'organisation de ce colloque ou de ce séminaire de travail, remercier tous les intervenants, quel que soit leur niveau de responsabilité ou la collectivité qu'ils représentaient. On voit bien qu'on a besoin de tous les échelons, de la commune, des intercommunalités, du département, des régions, des territoires d'outre-mer également, tous étaient représentés. Merci aux participants, à ceux qui ont posé des questions. Je ne vais pas faire un résumé de toutes ces heures d'échanges et de travaux, mais simplement vous dire que je pense vraiment que le Sénat était dans son rôle, comme l'a dit le président tout à l'heure dans sa vidéo, le président du Sénat, de diffuseur de la connaissance. Le Sénat, en plus, il est exemplaire par rapport à... C'est une institution exemplaire, puisqu'on est au cœur de Paris et on a un espace vert très vaste à côté de nous qui dépend du Sénat, puisque le jardin du Luxembourg dépend de l'institution. Et c'est quand même 24 hectares qui est quasiment pas artificialisé et qui recèle d'une biodiversité. Plus sérieusement, on voit bien que sur cette thématique de la biodiversité, ça a été dit, on a besoin d'une acculturation. Donc chacun, quel que soit son niveau de responsabilité, peut agir dans ce domaine. Je pense qu'il y a cette prise de conscience. Il faut continuer. Il y a l'association. Vraiment, je note l'association nécessaire entre la thématique de la biodiversité et la thématique du climat et du dérèglement climatique qui doit appeler à ce que... Voilà, les élus locaux en particulier soient mobilisés sur ces, sur ces deux champs. Sur le pouvoir local, et ça fera l'objet de travaux du Sénat, mais pas que, il y a la question de la décentralisation, de la différenciation aussi, ça a été dit pour les Outre-mer, mais pas uniquement pour les Outre-mer, pour faire en sorte que les politiques publiques soient davantage efficientes. Il y a la question aussi du pouvoir financier, quels moyens on met pour cette reconquête de la biodiversité. Et quand on parle de pouvoir financier, c'est aussi quelle fiscalité on donne. Enfin, ça a été beaucoup exprimé par les différents intervenants. Quelle fiscalité pour favoriser la biodiversité. On voit, enfin, on a reçu un certain nombre d'économistes sur le sujet. Il y a des choses à approfondir. Moi, je relève qu'il faut, et sans mauvais jeu de mots, pas créer de nouvelles usines à gaz pour conquérir la biodiversité. Il faut être dans le concret. Et je pense que cet après-midi, on a, enfin, les différents intervenants ont bien développé différentes solutions très, très concrètes qui pourraient être source d'inspiration pour les candidats et les futurs élus en 2020, que ce soit dans le domaine, voilà, l'atlas de la biodiversité, sur l'urbanisme, sur la politique de l'eau, sur l'agriculture, agriculture et alimentation. Avec l'idée aussi qu'on ne met pas le territoire sous cloche, ça me semble aussi important. Les termes de végétalisation verticale, rivière urbaine, l'éclairage public, enfin voilà, sur ces aspects très, très concrets. Et un point également important, dans un contexte où il y a une défiance vis-à-vis de la parole publique et où il y a un problème, il y a aussi beaucoup de problèmes autour de la santé publique, bien mettre en avant les bienfaits de la biodiversité sur la santé, tant physique que mentale, selon d'ailleurs une note très bien faite de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Pour résumer, on voit bien que pour les politiques en matière de biodiversité, il faut une volonté politique de faire. Mais pour conclure, je pense que cette thématique-là, elle est de nature, puisqu'elle transcende un peu, et elle doit transcender les clivages politiques, elle est de nature à fédérer des hommes et des femmes qui veulent agir pour le bien commun. Et dans un pays qui est divisé, qui est fracturé, il y a même un succès d'édition, on parle de l'archipel français. Mais moi, je pense que des thématiques comme la biodiversité sont des thématiques qui sont en capacité de rassembler les citoyens pour faire en sorte que le quotidien de demain soit meilleur. En tout cas, c'est le vœu qu'on peut formuler. Et je pense que les travaux de cet après-midi contribueront à aller dans cette direction. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, bon retour dans vos territoires, selon la formule du Sénat. Merci. Thank you.